I spent the summer on you. When I spent the summer on you. And Steve, Summer on You, une des nouveautés du Before Party Fun sur Fun Radio. Adrien, tu reviens à minuit ce soir? Tout à l'heure à minuit avec un coup de cœur, le nouveau Dimitri Vegas Like Mike. Stay Away ce soir dans Party Fun à minuit. 22h le Night Show avec Marion et Enzo. Et ce soir, Love in Fun à 20h jusqu'à 22h. Le Doc et Karel. Bonsoir. Bah oui, on est là. Salut. J'ai vu que vous offriez des sextoys dans vos émissions. Absolument. T'en veux un? Bah oui. T'en as besoin ou pas? Bah oui, ouais. Bah oui, bah écoute. Mais c'est des sextoys pour hommes, pour femmes, pour les deux? Bah pour... non, bah celui de Karel, on va te le filer. Bah bien sûr, on s'échange le sextoy à la radio. C'est un truc plutôt. C'est plutôt la famille. Enfin, on partage tout. Il l'a utilisé, il l'a bien lavé quand même. Bien sûr. Bah je l'ai utilisé avec Godefroy. Voilà, une petite soirée sympa. Il est un peu sale après. Oh. Oh. T'avais Godefroy quoi, sans déconner. C'est là que tu vas trop loin, mon pote. Et c'est là où on se dit qu'on va vous laisser finalement. Mais hé, Godefroy n'a pas froid aux yeux. Allez, on y va, on y va. Godefroy. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Nouvelle soirée avec vous tous, vous toutes. Très content de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. On va passer une nouvelle soirée là sur Fun Radio tous ensemble au 01 42 48 5000. Love in Fun, c'est 2 heures de libre antenne. C'est une émission différente, une émission où vous pouvez tout dire, venir vous lâcher, demander des conseils, profiter de nous appeler là toute la soirée. 01 42 48 5000. Il y aura du chiffre d'Alice, du défi fallait pas demander. Et puis surtout, vous tous en direct avec toute une équipe. Je m'appelle Karel, il est avec nous, c'est Doc. Salut Doc. À toutes et à tous. Doc qui est colère. On va caché, il était avec sa fille au téléphone. Alors j'aime autant vous dire. Pas ma fille, Catherine. Ah, c'était Catherine. Bah oui, on lui a volé. Alice qui m'a dit que c'est. Ah oui, d'accord. On lui a volé son téléphone. Est-ce on que a... tu dis à l'école? Oh là là. Alors ouais, je pensais que c'était ta fille. Ah oui, c'est vrai. Attends, mais c'est scandaleux. on a volé le téléphone portable avec tous de Katoche. Mes messages. Avec tous tes messages à l'intérieur. Ouais. Ah, oh, j'aurais trop aimé alors, voler. Alors attendez, parce que là, on va lancer un appel ce soir à la personne qui a volé le téléphone portable de Katoche. On veut juste les récupérer pour lire les messages que Doc envoie à Katoche. Hein. C'est juste pour ça. Non mais la géocalisation, Doc, ça marche pas. Non mais tu rigoles. Bah, ils l'ont coupé parce que je l'appelle, ça tombe directement sur la boîte vocale. Ils ont coupé le téléphone. Où est-ce qu'il a été volé ce 17e, téléphone 17e près de la porte de Champéret. Dans le 17e, près de la porte de Champéret, si envoyez vous êtes la police. Si vous êtes auditeur, si vous êtes policier, vous êtes dans le 17e, arrêtez tout. C'est un iPhone 5. C'est un scandale. On a volé le téléphone portable de Katoche. Tu sais quoi, ça se trouve, on va le retrouver avant la fin de l'émission, Doc. J'espère. Ça se trouve, c'est peut-être un auditeur de Fun Radio qui l'a trouvé par terre. On sait pas. Non, dans un casier, on l'a volé. Dans une école. Dans une école ? Oui. Sans déconner, qui a fait ça, Doc? Comme ça maintenant. On va trouver le truand qui a fait ça, Doc. Ne t'inquiète pas. Comment ça va, Alice? On est déjà sur l'enquête, Alice. Eh ben, écoute, je suis déjà sur l'enquête et j'espère le retrouver, le garder pour moi et faire des screenshots de toutes ces photos. Pauvre Katoche. Mais bien sûr, on a une pensée pour Katoche, bien sûr, ce soir, qui doit être un petit peu triste au téléphone. Bouleversé, à mon avis. Elle était énervée, oui. Ouais. Tous ses souvenirs. Ne pas pouvoir me joindre, en fait. Tu veux savoir? Ça m'emmerde parce que je devais l'appeler ce soir après l'émission. Toi, tu peux essayer, vas-y. Se voir, etc. Toi, tu vois. Donc du coup, c'est un peu embêtant. Godefroy Larrea, bien sûr, le meilleur réalisateur de la bande FM. Je sais. Attention, hein, c'est lui. Et on a les meilleurs standardistes du monde entier. Je vous le dis tout de suite avec Guillaume et Cindy, 01 42 48 5000. Et on va avoir les meilleurs auditeurs du soir de la soirée. Parce qu'elles sont deux ce soir. Hey. On a deux frangines, Laura et Gwen. Bonsoir les filles. Salut les filles. Laura et Gwen, en fait, on va rien se cacher. On était sur Snapchat cet après-midi et j'ai fait un petit snap. Genre, vous pouvez nous appeler, en fait, parce que maintenant on peut faire des vidéos snap, etc. Et on s'est connecté avec Laura et Gwen. On leur a proposé, voilà, puisque vous êtes sœurs et tout, de faire l'émission avec nous ce soir. Elles étaient super chaudes. Hein. Exactement. Et ben, vous allez vous pouvoir êtes faire. Sœurs jumelles? Non. Ah, d'accord. Non, elles se ressemblent pas du tout. Il y a une brune et une blonde. Ah, parce que tu les as matées. Voilà, c'est ça. Ah, ben, elles sont toutes les deux très bonasses. Hein. Non, mais c'est vrai. Que tu les as prises. Elles sont très jolies. Non, et pour ne rien te cacher, Doc, il y en a d'ailleurs une d'entre elles qui a envoyé un petit snap en disant qu'elle adorait. Qu'est-ce qu'elle disait exactement? Astiquer les manches. Astiquer les manches. Quel est ton métier? Préparatrice en pharmacie. Ah, ben, il y a des manches dans les pharmacies. Elles sont très chaudes. Je te le dis tout de suite. Les clients doivent être ravis. Ça, je n'en doute pas. On vous filera le nom de cette. Les clients t'aiment bien. Ah bah, les clients t'aiment bien, ça m'étonne pas. Alexis est avec nous. Il a 14 ans. Il est de Chartres. Bonsoir Alexis. Salut. Bonjour. Alexis. Salut poteau. Ça va? T'as passé une bonne journée toi? Bah ouais, nickel. Nickel. Mardi tranquille avec toi. Et t'appelles pourquoi Alexis? Ben en fait j'ai fait une petite blague cet après-midi à la cantine. J'ai mis du laxatif dans plusieurs pichets, dans plusieurs carafes. Mais non, attends, c'est énorme ça. Mais où est-ce que tu as trouvé ça? Du laxatif. Bah ouais, genre je l'ai trouvé dans la boîte à pharmacie de ma mère. Ouais, d'accord, et tu t'es dit, comme je suis un petit con, je vais en foutre dans les pichets pour tout le monde. Attends, il devait y avoir embouteillage aux toilettes, non? Bah ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé surtout, c'est parce que genre... Il y a au moins 6 ou 7 personnes, elles sont parties du coup dans l'après-midi parce qu'elles avaient la diarrhée, genre elles étaient pas bien. Ah, c'est mon champion lui. Et tu voulais savoir quoi, si c'est dangereux ou pas? Bah ouais, parce qu'en fait le truc c'est qu'après il y a le lycée, il s'est demandé... C'est une intoxication, bah oui. Ah bah oui. Si c'était pas une épidémie de gastro dans le lycée. Non mais c'est pas ça épidémie de gastro, non. Quand c'est dans le même temps, au même moment, ça veut dire qu'à la cantine il peut y avoir un plat qui est bourré de microbes. Donc c'est une toxi-infection alimentaire ou autre, qui effectivement peut être dangereuse, et ils ont raison. Donc il faut que tu te dénonces. Hein. Mais non, arrête tes conneries. Non, Alexis. Attends, tu dis que c'est pas une infection, que c'est des laxatifs. Et... Envoie un message anonyme, je ne sais pas, mais préviens quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, Alexis? Bah je sais pas, en fait, je voulais juste voir ce que ça faisait. Ça donne la chiasse. Alors, incroyable. C'était marrant de les voir aller tous aux toilettes. Ah bah oui. Qu'il est con. Hey, Alexis, est-ce que tu l'as vu la fameuse vidéo, je crois qu'on en a parlé il y a pas très très longtemps, des mouettes aux États-Unis, je crois, où en fait on leur a donné l'accès, c'est scandaleux. Elles chient sur tout le monde, sur les c'est ça. Sur les bébés même. En fait, ils avaient foutu du laxatif dans je sais plus quoi, qu'elles avaient bouffé. Dans la bouffe pour les mouettes. Et t'as toutes les mouettes qui chient sur toute la plage. C'est horrible. Et tu vois des nouveau-nés genre qui se retrouvent avec des merdes d'oiseaux et tout sur la gueule. Ah, ça doit être marrant. Ah oui. Ah, bon, moi, je vais t'enfiler des laxatifs. On lui donne des idées, vois, là. Alexis, on va t'envoyer un pack Love & Fun avec à l'intérieur du laxatif. Non, mais débrouille-toi pour envoyer un message pour que quelqu'un appelle l'école et dire, voilà... Il y a une blague qui a été faite de mauvais goût, il ne s'agit pas d'une infection, un laxatif a été mis dans les carafes. Non mais ouais, parce que genre je me vois pas arriver demain, je fais ouais, c'est moi il a mis du laxatif et tout, je vais me faire niquer. Non mais est-ce que tu veux, Alexis? Ah bah tu vas te faire virer, oui. Non, Alexis, tu sais quoi, moi j'appelle ton école demain et je leur dis. Non mais je peux le faire. Ouais, bah ouais. On va faire ça? Ouais. Bon bah je le ferai demain, mais je te promets que je vais le faire, d'accord Alexis? Okay, donne le numéro de ton école. Et je donnerai bien ton prénom et ton nom de famille, hein, bien sûr. Hein, Je dirais que c'est Alexis de Chartres, hein, d'accord? Mais, ouais, non, c'est vrai, tu m'envoies ton nom. Non, t'inquiète. Et ça ne recommence pas, quand même. Reçu, un petit peu. Non, tu ne recommences pas, c'est une bêtise. C'est ça, l'école, c'est pour s'amuser, Doc. Non, ça fait, non, c'est faut prendre du plaisir en travaillant. Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, c'est vrai, il faut travailler. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Ah bah oui. C'est bien ce qui me gêne, d'ailleurs, parce que ça, c'est vraiment, oui. Alexis, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ça marche, pas de soucis. Salut poteau. Salut. Et n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez fait des grosses conneries dans votre bahut. Allez-y, lâchez-vous. Le truc dont vous êtes le plus fier ou le moins fier. Ah ouais. 01 42 48 5000. N'hésitez pas à nous appeler. On sera avec Sarah tout de suite. 22 ans de Marseille. Bonsoir Sarah. Bonsoir tout Salut, le monde. Salut Sarah. Bonsoir Salut. Sarah. T'appelles pourquoi toi? Alors moi j'appelle parce qu'en fait j'ai une petite question. Ouais. J'aurais aimé savoir comment est-ce que nous les femmes on pouvait draguer un homme. D'accord, comment draguer un mec? C'est vrai que c'est souvent les mecs qui font le premier pas. Tu as quel âge? 22 ans. Ah, oui. Ouais. Et bah, tu sais quoi, on va tous t'aider. On sera aussi avec Laura et Gwen, nos auditrices du soir. Les filles, vous savez comment draguer un mec, vous, hein? Mais bien sûr. Ah oui, ça m'étonne pas. Vous restez bien avec nous et on va écouter Soprano dans un instant, là, avec En Feu sur Fun Radio. Toute la soirée, c'est Fun Radio et c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Allô? Jeu de la vérité, bienvenue. Quelle est la chose la plus étrange avec laquelle vous vous soyez donné du plaisir sexuel? Je ne me rappelle plus. Mensonge. Une aubergine. Bien, nous rappelons qu'il faut prendre 5 fruits et légumes par jour. Ah mais je le fais moi. Mais pas par le bon endroit par contre. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. C'est déjà l'automne. C'est déjà l'hiver. Chaussures et accessoires Nero Giardi. Le Made in Italy. Fun Radio présente I Love Techno Europe, samedi 10 décembre, au Parc des Expos de Montpellier. I Love Techno. Retrouvez sur scène Laurent Garnier, Masséoplex, Vitalik, Ben Clock, B2B, Marcel Detman et bien d'autres. Infos et réservations, point de vente habituel. ilovetechnoeurope.com et funradio.fr. I Love Techno. I Love Techno Europe avec Fun Radio. Les centaines fleurs. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Mini Service. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. Salut, c'est Bruno. Fun Radio, le son Dance Floor présente la compile Bruno dans la radio. La sélection de la famille avec Richard Orlinski et Eva Simons. En exclut le nouveau Martin Garrix, Maître Gims, Ken Jones, le nouveau de Chainsmokers. 60 tubes sur 3 CD, ils sont tous dans la compile de la famille avec Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. sur Fun Radio. C'est la Vin Fun, début de soirée à la cool sur Fun Radio. Avec le défi, fallait pas demander, hein, tout à l'heure à 21h, si vous voulez gagner votre jeu FIFA 17, inscrivez-vous au standard 01 42 48 5000. En attendant, c'est Soprano et en feu sur Fun Radio. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais une grande écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirik ou ce soir je John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme mes trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Sur Fun Radio en feu. Love 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et lâchez vos messages, hein, n'hésitez pas à réagir, hein, pendant l'émission. Il y a le Facebook de l'émission, Love in Fun, le Twitter, hashtag Love in Fun, le Snapchat, bien sûr, avec une nouvelle story à mater tous les jours. Le Snapchat pour nous ajouter, c'est Love in Fun Radio, tout attaché. On lit un petit message, là, Alice. On a reçu un message de Marius qui nous dit: pourquoi je me balade toujours en t-shirt alors que tout le monde crève de froid? Qu'est-ce qui fait qu'on est frileux ou pas? C'est intéressant ce qu'il dit là, parce que ceux qui ne s'habillent pas beaucoup l'hiver fabriquent plus de graisse brune, je l'ai déjà expliqué. Et la graisse brune produit de la chaleur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas très frileux, parce qu'ils sont riches en graisse brune. D'accord. En revanche, plus vous vous couvrez pour ne pas avoir froid, moins vous fabriquez de graisse brune, plus vous fabriquez de la graisse blanche qui, elle, ne protège pas. Voilà. Putain, on apprend des trucs là, Doc. Bravo, donc, bravo, donc, Doc. Si vous voulez fabriquer de la graisse brune, être écolo et pas dépenser de chauffage. D'accord. Trimballez-vous à poil par 0 degré. Voilà, c'est okay. Ça. Et tomber malade, accessoirement, pour aller voir un médecin, pour aller voir Doc. Et Doc gagne l'argent. Voilà. Mais voilà, non, la vérité. Non. Voilà le message. On va tout de suite. Alors que j'ai regardé là sur le site de funfunradio.fr, actuellement, nous ne sommes pas filmés. Non. Pourquoi? C'est ça. Je ne sais pas. Nous sommes en train de résoudre le problème. Tu sais, notre producteur Kassim a pris le sujet à bras le corps. Casser les bras ou quoi, là? Si c'est dans 5 minutes, c'est pas réparé, je les encule. Non mais calme-toi. Parce que ça m'énerve là. Dans ce que tu dis, Ça risque de ne pas être réparé. Tu vois, c'est pour ça que il y a jamais rien qui est réparé ici. Ils vont enculer tout le monde. Les mecs sont d'accord, donc ils c'est ça. Pas. Ah bah là, au bout d'un moment, ils veulent pas se faire pénétrer par Cassim. Hein. C'est compréhensible. On va accueillir Sarah de Marseille, qui est avec nous. Elle a 22 ans. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Salut. Salut Sarah. T'as besoin de quoi toi? De conseils? Alors de conseils, oui, pour moi et pour à peu près toutes les femmes qui ne savent pas comment draguer les hommes sans pour autant passer pour une allumeuse. D'accord. Et t'as déjà été avec un mec? Ah oui, j'ai déjà été avec un homme. Comment? Oui. C'est les mecs qui t'ont dragué, toi t'as rien fait? Ouais. Ouais, c'était un peu coussi coussa. C'était l'homme en revanche qui venait plutôt que moi. Ça, d'accord. Oui. T'es pas du genre à être entreprenante, à aller voir le mec, le draguer. Moi, je pense que Sarah a un mec. Je suis sûr que Sarah, il y a un mec qui te plaît. Ah bah et en fait, si tu poses la question, c'est que tu voudrais bien le draguer. C'est ça ou pas? Oui, voilà, effectivement. Bah, raconte-nous alors. C'est qui ce gars dis-nous, il est où ce mec? Tu le connais d'où? Alors, il est. C'est un homme que j'ai rencontré en fait sur un site. Oui. Donc, première rencontre, tout se passe bien. Sauf que j'ai voulu, il me plaisait, au niveau mentalité, au niveau physique, il était au top, pas de problème. Mais par contre, j'ai voulu flirter un peu avec lui, mais je ne savais pas comment faire. Flirter, c'est-à-dire tu voulais le draguer sur Internet. Est-ce que tu as son téléphone? Est-ce que tu as son téléphone, Sarah? Sarah, là on te perd. Sarah, là, on t'a perdu, Sarah, ma chérie. On ne t'entend plus. Non, on t'entend plus. Sarah. On va la rappeler, Sarah, parce que là, on l'entend plus. On va la rappeler tout de suite. En attendant, on a Laura et Gwen, nos deux auditrices du soir, qui sont sœurs, hein, deux frangines, une brune, une blonde. Vous êtes là, les voilà, filles. Voilà. Alors, des conseils pour Sarah qu'on est en train de rappeler là, qui va nous rejoindre tout de suite. Comment est-ce que vous faites pour draguer un mec, vous? On commence par toi, Laura. Alors déjà, qu'on est quelque part un petit peu entreprenante quand même. Donc moi je suis un petit peu du genre à essayer de faire en sorte qu'il me regarde en fait. Ah c'est ça. Tu attires donc, son regard. Dans l'allure, si t'as une soirée, donc c'est un petit peu le chercher du regard, t'attends un coup de pain et puis. D'accord, en fait t'as besoin attendre de voir. Ta technique de drague concrètement c'est juste regarder le mec. Voilà, c'est ça. Et ta sœur, elle fait et comment? Et si je vois qu'il me regarde pas, j'ai fait tomber un verre d'eau dessus. C'est une bonne technique, ça. En toute discrétion, quoi. Tu attires son attention, d'accord. Et ta sœur Gwen, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, je fais à peu près pareil que ma sœur, sauf que si je vois que le mec ne s'intéresse pas trop à moi, j'irai carrément lui glisser son numéro dans la poche. Je l'ai déjà fait. D'accord. Et ça marche? Ben oui, ça marche parce que du coup, le mec m'a rappelé et on s'était vu pour aller boire un café. Non, mais... Et ça a foutu la merde avec sa main. Et il était en couple. Voilà. Le mec était en couple. Moi, j'appelle ça un miracle de retrouver dans sa poche un numéro de téléphone de fille, quoi. T'aurais bien aimé que ça t'arrive. Ah, ça m'est jamais arrivé. Ça, hein. Ça m'étonne pas. Jamais. Mais au grand jamais. T'es jamais tombé sur Gwen, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. J'ai pas compris. Tombé sur Gwen. Ah, mais c'est pour ça, Gwen. On ne s'est jamais rencontrés. Non, moi j'allais draguer. Moi, j'allais draguer les filles. C'est comme ça que j'arrivais à pécho. Sarah, tu as entendu les conseils de Laura et Gwen ou pas? Oui, j'ai entendu le petit jeu de regard, le verre d'eau dans la figure. Comment tu fais, toi, Alice? Moi, je me prends pas trop la tête. En fait, je pars pas du principe que le fait qu'une fille vienne draguer un mec, ça fait allumeuse. Je pense que ça fait juste quelqu'un d'entreprenant qui sait ce qu'elle veut. Donc, je me prends pas spécialement la tête. Je parle à la personne et je vois ce que ça donne, quoi. Mais voilà, je fais le premier pas sans problème. Sarah, tu es toujours là? Oh, mais on te perd, Sarah. Sarah. Allô? Oui. Bon, oui. Est-ce que tu as son téléphone? Non, je n'ai pas son téléphone, malheureusement. Menteuse. Comment tu le joins? Comment tu le vois? Eh ben, c'était sur le site en question, en fait. Sur Internet. Alors, franchement, Sarah, te prends pas la tête. Généralement. Ouais, si ça s'intéresse à toi, il serait déjà manifesté. Mais enfin, bon. Ah ouais, Doc, t'es dur. Non. Non mais ça se trouve, il est timide aussi le mec. Non mais Sarah, il faut être naturel de toute façon. Il faut pas chercher à faire genre. Enfin, fais-lui comprendre que tu l'aimes bien et après tu vois si lui, il fait quelque chose de ça quoi. Sinon le verre d'eau, mais ça c'est quand tu le rencontreras. Hein, technique de Laura et Gwen. Les deux chaudasses d'Antibes. Hein, bon. quand même. Bien sûr, les filles. Sarah, tu restes avec nous, d'accord, Sarah? Ok, ça marche. Tu bouges pas, ma chérie. On sera avec Jason tout de suite. L'appel à l'aide de Jason. Jason, t'es là? Oui, salut. Je suis là. Salut, Jason. Salut Alice, salut Karel. Bienvenue, salut. Jason. Pourquoi t'as besoin d'aide ce soir? On va t'aider à faire quoi? Ben, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai envie de demander ma copine en mariage. Et avant ça, en fait, j'aurais voulu faire une petite surprise, une petite blague. D'accord, ok. Bah, tu bouges pas. On va bien se marrer dans un instant. Et puis, on va vivre un grand moment d'émotion. Après Sib, voici Brief sur Fun Radio. C'est Love in Fun. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Da, da, da. Don't drown your Sib, Breeze sur Fun Radio. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide tous les soirs sur Fun Radio dans Love in Fun. Ce soir, c'est Jason qui est avec nous. Il a 20 ans, il nous appelle de Chapeau Renard, à côté d'Avignon. Bonsoir Jason. Bonsoir Doc, salut. Bonsoir Alice, salut Karel. Salut. Alors Jason, pourquoi t'as besoin d'aide? Explique-nous. J'ai besoin d'aide de vous en fait pour demander ma copine en fiançailles. D'accord, on sert à rien. En fiançailles ou en mariage? Mariage. Ouais. Ah, c'est pas pareil, parce que Doc, toi, t'as demandé Katoche en mariage. Ouais, absolument. Est-ce qu'elle a dit oui, Katoche? Bah oui. Ah, bien sûr. Ah. Affirmatif. Ah, ah oui. Bah, on va voir si elle dit oui. Ça fait combien de... Pour toi, je parle, bien sûr. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça fait 7 mois et 21 jours. Ouais, ah ouais? Tu comptes, hein? Putain, 7 mois et 21 jours. Et t'es sûr qu'elle va dire oui? Oui, oui, sûr et certain. Ah oui, mais on n'est pas à l'abri d'un non, tu sais. Ah oui, c'est sûr, mais bon. D'accord. C'est l'amour fou tous les deux, quoi. Oui, l'amour fou, l'amour vache. Jason qui va donc appeler sa copine. Le but, c'est quand même de la demander en mariage, hein. Mais avant de créer un moment d'émotion. Allô? Ouais, c'est moi. Qui? Jason. Ah, mais pourquoi tu m'appelles par un numéro privé? J'ai mon téléphone qui a déconné. Oui. Ouais, ça va? Oui. Bah, dis-moi, j'ai un petit souci. Quoi? Tu te rappelles que je suis parti un peu plus tôt? Oui. Ben, c'est pas pour aller bosser. C'est pourquoi? Disons que je préfère te le dire maintenant par téléphone que à la maison, ce sera mieux. Je suis avec quelqu'un d'autre. Qui? Tu le connais. Qui? Ben, c'est Chris. Oui. Et je décide en fait de te demander, c'est soit tu fais un plan à trois avec nous, soit je te quitte. Ben, quitte-moi. T'es sûr? Oui. C'est pourquoi? Bon, parce que tu sais très bien que pour un 3, tu peux te le mettre dans le cul bien profond. Mais j'aime pas. Mais c'est ton problème, c'est pas le mien. Ah bon? Oh oui. Bon, je t'appelle pour une autre chose. Quoi? Je sais que ça fait bientôt 8 mois qu'on est ensemble. Oui. Que même si en ce moment, toi et moi, c'est tendu, sans être tendu. Très volcanique, oui. Voilà, ça, y a des hauts, il y a des bas. En beaucoup temps, de hauts, bon. Surtout. Et quelques bas aussi. Oui. Ça fait que bon, c'est la magie de notre couple aussi. Mine de rien, on est encore ensemble. Oui. Tu sais qu'avec toi, je veux faire qu'un. Oui. Tu sais que t'es l'amour de mes jours et la femme de mes nuits. Oui. Et alors d'aujourd'hui, ben, je me mets à genoux pour te demander en mariage. Non, tu te fous de ma gueule là. Non. Oui. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Ben oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Ah oui. Oh, quel ascenseur émotionnel. On est parti d'un couple à trois, un couple à deux. Et c'est l'amour ce soir. Peut-être Sandra. M'expliquer. Vous m'avez cassé les oreilles. On casse les oreilles, là. Sandra. Quoi? Sandra, tu es en direct sur Fun Radio ce soir. Oh putain, il m'a fait peur, mais il est con. Ouais, ben, il paraît qu'il fait ça tout le temps, c'est vrai? Oui, ben, il me fait souvent peur. Et alors, en fait, tu penses quoi? Tu penses qu'il a une petite aventure avec son copain ou pas? Non, mais c'est un délire qu'on a entre lui et moi. Et, ah oui. Et ben là, enfin, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Ouais, non. Donc arrête de foutre la merde quand même, sans déconner. Non, mais peut-être qu'avant, je sais pas. Ah oui, non, mais bien sûr. Bah, trop meilleur ami, on s'est déjà touché la kikounette, bien sûr. Oh, c'est un problème, c'est pas Oui. En attendant, Jason vient de te demander en mariage. Tu as dit oui, Sandra. Oui. Tous nos vœux de bonheur pour ce mariage. Merci. Et c'est pour quand alors? Ben, peut-être fin 2017 ou 2018. Ah oui. Oh ben, y a le temps. Ça se prépare. Bah, bien sûr. Sandra. Oui. T'es sûr que c'est le bon, vraiment? Ah oui, j'en suis sûr. C'est le seul homme que j'ai aimé autant et je vois ma vie avec lui. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. C'est magnifique. De l'émotion. Ben, merci. Jason, pleure, il faut encore plus d'émotions. Pleure, chiale. Le jour du mariage. On vous fait des gros bisous, les amoureux. Merci à vous. Merci. Salut. 01 42 48 5000, on a Jarod là qui nous appelle au téléphone. Il a 12 ans, il est d'Orléans. Salut Jarod. Salut, ce serait pour vous parler de ma discrimination que j'ai à l'école. D'accord, bah tu bouges pas Jarod, on va t'aider là dans un instant. En attendant, voici The Weeknd et les Daft Punk. Ça c'est une belle rencontre, un super featuring avec les Daft Punk. Voici Starboy sur Fun Radio, Love and Fun. Kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster. King, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, so kill any pain. Nigga Brad Pitt, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. The Weeknd, Daft Punk sur Fun Radio, Starboy. 01 42 48 5000. Love it, fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Une soirée exceptionnelle. Je vous annonce une artiste qui sera avec nous là tout à l'heure. C'est Cindy du Standard. Oui, mais elle a dit pas aujourd'hui. Non, attends. Si... Violoncelliste. Ah, je vais... classique. C'est pas de la musique à deux balles. Expliquer, Doc. En fait, Cindy, elle joue voilà, d'un instrument. Tu l'as dit, c'est le violoncelle. Elle a ramené son violoncelle à la radio. Alors, elle le fait dans des concerts et tout, quoi. Elle est allée en musique Chine. Musique classique, ouais. Absolument. Ouais. Mais alors, elle peut faire n'importe quel son, en plus. C'est ça qui est incroyable. Hein. C'est Cindy, c'est beaucoup de talent, Cindy. Cindy, ouais, c'est bien quand c'est un peu préparé quand même. Parce que là, concrètement. Ça, c'est les gens talentueux, tu vois. Dis-moi ce que tu pourrais nous jouer, histoire de mettre un peu de culture. Bah, en vrai, ce que vous voulez, mais. Non. Mais la semaine prochaine, Doc, c'est mieux, quoi. Parce que Doc, il s'imagine qu'elle va nous faire du Mozart. Bah, pourquoi pas. Non, mais elle peut aussi nous faire du Mozart. Elle veut bien. Tu vois, elle veut bien. Tu peux nous faire quoi? Ce que vous voulez, mais. Tu peux nous faire Super Mario Bros. Ça, oui. Ça, ah, tu vois, elle sait faire Super Mario Bros. Un prout. Non, mais non. Il est vraiment débile, ce mec. Capable. Est-ce qu'on va faire quelqu'un qu'on va serait faire capable de mixer avec Cindy jouant du violoncelle? Tu serais capable de faire ça? Je sais pas, on est capable de tout. On est capable de tout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va vous mettre à contribution avec le hashtag LoveInFun. Si vous voulez que Cindy vous joue un morceau en particulier, voilà, n'hésitez pas, hashtag LoveInFun, et vous mettez le morceau que vous aimeriez bien entendre. Mozart, sur Fun Radio. C'est top. Hein. Au violoncelle. C'est top. Hein. Mozart, c'est top. Ouais. Il est mort. C'était le David Guetta de l'époque. Attends, tu peux pas comparer ce qui est pas comparable. Si. On est sur la radio du son Dance Floor, donc on compare avec nos comparaisons. Hein. Jarod est avec nous, il a 12 ans, il est d'Orléans. Bonsoir Jarod. Bonsoir. Salut Jarod. Salut à toi Jarod. Explique-nous pourquoi t'appelles là ce soir, il y a un truc qui va pas je crois. Bah alors j'aimerais appeler parce que depuis l'école élémentaire, je me fais discriminer parce que j'ai les cheveux longs. Oui. Et que je vais devenir une fille. Attends, discriminée, tu peux nous expliquer ce qui se passe exactement? C'est-à-dire, est-ce qu'on te fait du mal en parole oui, et en acte? Il y a un moment où il y en a qui sont amusés à me frapper et il y en a qui sont amusés à m'insulter parce que j'étais différent. Ça a duré longtemps? Bah oui, ça dure même encore. Ouais. Ça s'appelle du harcèlement. Ouais. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est du harcèlement. Est-ce que c'est accompagné aussi de messages par téléphone si t'en as un? Non. Non, t'as pas de... Juste au bahut, quoi. Juste au bahut, t'as pas de... Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tout ça, on t'a pas détruit, si? Non, j'y vais pas non plus, de toute façon. D'accord, pas non plus, donc c'est pour ça que t'en as pas. Tu okay. Nous dis une chose importante, Jarod, parce que c'est pas anodin ce que tu vas nous dire. Tu nous dis, j'ai 12 ans, j'ai les cheveux longs et je veux devenir une fille. Oui. D'accord. Mais tu veux devenir une fille... Depuis quel âge tu veux devenir une fille? Depuis que j'ai 4 ans. D'accord, donc toi, tu ne supportes pas le fait d'être un homme? Enfin, non. Masculin. Ça, c'est encore autre chose. C'est deux choses totalement différentes. Ce n'est pas une justification pour te faire du mal. Mais sûr que non. Car harceler quelqu'un, c'est lui faire du mal. Donc, je précise. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que tes parents interviennent. T'en as parlé ou pas ? Oui, il y a ma famille qui le sait. Et bien sûr, au collège, il y en a. Mais il faut aller au collège. Il faut que ta famille aille au collège et voit le principal et dise, voilà, ça suffit. Et puis, il faut contacter SOS Harcèlement. Tu entends ce que je te dis, le 30-20 ? J'ai pas compris la dernière phrase. Il faut que tu contactes le 30-20 avec tes parents. C'est le site qui est dédié au harcèlement et qui donne bien sûr des conseils, de l'aide, un soutien. Parce que quelquefois, le harcèlement est négligé, je le dis. Hein, c'est encore trop souvent négligé. Ouais, ouais. Or, tu souffres là, t'es pas bien, j'imagine. Bah, ouais, je suis pas bien, pas vraiment bien, parce que des fois, j'ai même plus envie d'aller au collège. Voilà, oui. Ça, c'est classique, quand on est harcelé, ouais. Il arrive des moments où on n'a plus envie d'aller au collège. Il faut que tes parents soient... Il n'y a que tes parents qui peuvent t'aider à résoudre ça. Est-ce que tu me dis que tes parents, ils sont au courant, mais ils n'ont rien fait pour que ça s'arrête, justement ? Bah, si, ma mère, elle a déjà débarqué quand j'étais en élémentaire plusieurs fois, mais... Pas depuis le collège ? Depuis le collège aussi, elle a été débarquée, mais il ne s'est rien passé. Il faut voir le conseiller principal d'éducation. Il faut leur dire, voilà, c'est du harcèlement. Il faut contacter le numéro de le 30-20, comme je te l'ai dit. Tu retiens bien, 30-20 ? On va lui donner okay. Antenne. Tu les appelles avec tes parents, et là, tu vas avoir toute une série de conseils, d'attitudes à avoir, voire un soutien direct, parce qu'il faut le faire. Tu comprends ? Ouais. C'est pas tolérable, ça. Et est-ce que maman est à côté, là ? Non, elle est au travail. Elle est au boulot. Et papa non plus ? Vous pouvez éviter de parler de lui, s'il vous plaît. Pourquoi ? Tu peux nous dire ? Parce qu'en fait, quand j'étais bébé, il a voulu frapper ma sœur et c'est ma mère qui s'est mise devant et elle est aveugle et sourde d'une oreille et d'un œil à cause de lui. D'accord. Elle okay. a un œil. D'accord. Elle a eu un coup extrêmement violent, donc tu n'as plus jamais de contact avec ce papa. Oh. Est-ce que tu as un beau-père, par exemple ? Non. D'accord, donc tu vis seule avec ta sœur, j'imagine, avec ta maman. Oui, avec ma mère et mon grand frère. D'accord. Avec ton grand frère, très bien. Écoute, voilà, c'est en tout cas, ton histoire, évidemment, on comprend ta souffrance et ta douleur à plus d'un titre. Mm. Il faut que ça cesse immédiatement, il faut qu'on aide ta maman, parce que ta maman, du coup, se retrouve seule. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que Jarod, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner le numéro de téléphone du doc. Oui, on va te voilà. le donner à toi. Et ensuite, ouais. Doc va pouvoir appeler ta maman, tu vois, quand elle sera plus au boulot, genre demain, dans la journée, voilà. pour pouvoir lui parler, pour qu'on t'aide, Jarod. Ça, c'est important. Il faut absolument que ta maman m'appelle. D'accord ? Oui. Demain. On va te donner un portable. On va pas donner à l'antenne, on va éviter. Mais... Non. Oh, si, je peux le donner. Hein. C'est la grande mode de donner les numéros de téléphone à l'antenne. Ah bon ? Bien sûr. Alors, le téléphone du doc, si vous l'appelez doc 24h sur 24, tu le notes, Jarod ? Je m'en fous parce qu'il est dans l'annuaire. Juste deux secondes, je prends une feuille. Non, je vais pas le donner parce que sinon, je connais Doc, il dit je m'en fous, mais après je vais me faire défoncer. Hein, donc on va éviter, on va te le donner en antenne. Tout le monde l'a ce téléphone. Bien sûr. Non, mais bien sûr, on peut te trouver assez facilement. Je cache pas, ouais. Donc Jarod, tu raccroches pas, d'accord ? Et derrière, on va te filer le téléphone portable du doc et puis on va gérer ça en dehors de la radio pour voilà, que ça se passe oui, bien, faut d'accord ? Que j'aide ta mère demain. Ouais, d'accord. Et toi, est-ce que d'accord. je peux avoir aussi un pack, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Tu raccroches pas. Pack Love In Fun pour tous ceux qui passent à l'antenne. Tu reviens quand tu veux, Jarod. À très vite alors. Merci. Salut Jarod. Salut mon pote. Salut. Et dans un instant, Alice va nous parler de quelque chose de très important. C'est un message. D'ailleurs, tu l'as encore le message ouais, là. J'ai le message. J'ai reçu un message d'Eva. En fait, elle vient de se faire plaquer par son mec. Elle n'arrive pas du tout, mais pas du tout à s'en remettre. Elle voudrait savoir s'il n'y a pas des astuces pour réussir à passer à autre chose après une rupture très douloureuse. Oui. J'ai bien peur qu'il n'y en ait pas, hein. Franchement. Non, c'est mais dur, on peut expliquer pourquoi cette phase est importante. On va bien le faire. Sûr. Et on aura Laura et Gwen, nos deux auditrices du soir, qui se sont déjà fait larguer, les filles, hein, Laura et Gwen. Non, elle largue, jamais elle largue, tu rigoles, elle c'est largue. Elle qui largue. Hey, c'est vous qui larguez. Bah, bien vrai. Sûr, ouais, c'est sûr. Je rappelle, Gwen et Laura sont deux sœurs qui écoutent l'émission là tous les soirs et elles ne se sont jamais fait larguer. Et elles tiennent le manche. Bien sûr, bande de menteuses. Hein. En tout cas, vous nous direz que justement comment ça se passe quand vous larguez un mec, justement, comment est-ce que vous faites. 01 42 48 5000, vous restez bien avec nous, on va revenir avec Jonas Blue, le beau gosse. Perfect Strangers. On passe encore une très très bonne soirée avec vous tous, vous toutes. 01 42 48 5000 pour réagir à Love in Fun toute la soirée. À tout de suite. Suivez-nous

c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Avoué, à demi-mot pardonné, tous tes défauts avoués, à demi-mot pardonné, mais c'est le temps qui court, et c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, oh, c'est le temps qui court. Mea culpa. Mea culpa. Avec Doc, Karel et Alice. Fun Radio. On est tous ensemble tous les soirs sur Fun Radio, 20h-22h, Love in Fun, avec une grande démonstration tout à l'heure des talents de Cindy du Standard, oui, qui va faire du violoncelle. Alors, c'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir la musique que Cindy va jouer à l'antenne. N'hésitez pas avec le hashtag Love in Fun. C'est vrai qu'on a une artiste hein, dans l'équipe. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'elle est même plus dans le studio là. Elle est en train d'accorder son violoncelle. Ah bah oui, c'est sérieux. Tu vois. Ah bah bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, oui. On va débriefer un message qu'on a reçu aujourd'hui. Vas-y. C'est Alice qui l'a reçu. Tu peux nous le lire, Alice? Alors, c'est un message d'Eva, en fait, qui vient de se faire plaquer par son mec. Et en fait, elle arrive vraiment pas à s'en remettre. Et elle voudrait savoir s'il n'y a pas des astuces pour réussir à passer à autre chose après une rupture vraiment douloureuse. Bah oui. Moi, je pense que dans la rupture, la douleur est nécessaire. Parce qu'en fait, ton tristesse, c'est du registre de l'émotion. Tu ne peux pas vivre une relation d'amour sans émotion. Et justement, le fait d'être plaqué, ben, c'est une douleur, ça fait mal, c'est pénible. Il y a un temps où vraiment on a l'impression que la terre s'écroule. Ça, je comprends tout à fait ça. On n'a plus envie de rien, plus avoir personne. Bon, justement, il faut accepter cette phase de grande tristesse parce que ça prépare une autre relation. Et on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, passer à une autre relation. Mais parfois, il faut vivre ce temps de deuil de la relation qui est une nécessité. Parce que parfois, justement, on a tendance à vouloir essayer de sortir avec quelqu'un et c'est une relation un peu de transition qui fonctionne jamais. Heureusement. Parce qu'on n'est pas prêt, en fait. Tu peux pas switcher une relation avec une autre. C'est pas possible. On a beaucoup de réactions au standard 01 42 48 5000 sur les réseaux sociaux aussi. Comment est-ce que vous faites, voilà, pour passer ce cap hein, du largage hein, on peut le dire. Hein. Kylian est avec nous. Bonsoir Kylian. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Kylian. Salut. T'as 21 ans. Il est tout content Kylian. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bah ouais, tout le temps. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir Kylian. T'as 21 ans. T'as Grenoble toi. C'est ça. Ouais, à côté de Grenoble. Ouais. Tu t'es déjà fait larguer. Tu t'es déjà fait plaquer Kylian. Ah ouais, moi je me suis fait larguer au mois de février. Moi. Ah, et alors, t'étais en dessous de tout, t'étais pas bien? Oui, bah de toute façon, quand on se fait larguer en pleine nuit, on rentre, on est un peu, on est un peu déboussolé. En pleine nuit, t'es rentré, t'as dit je te mets dehors? Enfin, il m'a dit qu'il me mettait dehors, donc du coup, donc du coup, ça a été un peu compliqué. Donc voilà, il y a toujours les 2-3 jours de battement où on veut voir personne, c'est clair. Au moment où tu l'apprends, tu peux dire en un mot ce que tu ressens? Quand tu prends t'arrives, boum. Ah bah c'est l'arrêt cardiaque hein. Ah et oui, on... carrément, ah ouais, toi tu meurs. T'es pas mort, mais est-ce que t'as essayé de le retenir? Bah oui, hein, on a eu une conversation pendant 3 heures, mais bon c'est moi qui parlais hein, de toute façon, et puis il m'écoutait juste. Tout ça pour me dire oui bah écoute voilà moi je peux plus continuer avec toi voilà donc est-ce là il, a... bah, il faut il faire avait quelque chose. Il avait quelqu'un d'autre? Oui je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, mes doutes se sont transformés en certitude après quelques semaines quoi. Ce qui est terrible en fait, c'est que quand tu te fais larguer, moi ça m'est arrivé un paquet de fois, hein, et t'essaies de récupérer la personne en étant au départ très gentil, limite mielleux, etc. Et puis après, t'arrives pas à la récupérer, donc tu deviens super énervé. C'est bizarre ces stats par lesquels on passe. Se mettre à genoux, oui, supplier, c'est un petit côté masochiste là-dedans. C'est ça, alors que tu souffres. Effectivement, quoi. Oui, tu cultives la douleur. Enfin, non, c'est-à-dire que. Non, c'est plus compliqué. Tu veux t'accrocher à quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est ça. C'est ça qui est masochiste. Ouais, c'est horrible. Voilà. Mais dire oui, bon, il est parti, tu vis ta douleur, mais c'est pas la même douleur, c'est pas pareil. Combien de temps ça a duré pour toi, Kylian, cette période La période où j'ai dû accepter, je pense que ça a duré, enfin, c'est long, hein, mais je pense que ça a duré 2 mois où j'ai vraiment regretté que que déjà que je n'ai plus aucun contact avec lui, que fallait que je le suive vraiment nulle part, fallait qu'il sorte de ma vie. Ça a pris du temps, hein, ça a pris 2 mois, et puis ensuite c'est le temps de peut-être de retrouver quelqu'un d'autre, de se faire confiance, de se dire que bon, on peut avoir quelqu'un, enfin voilà, de pas rester bloqué sur cette rupture, quoi. Et depuis, tu as trouvé quelqu'un ? J'ai trouvé quelqu'un, ouais, il y a peu de temps, ça fait déjà bientôt 2 mois, donc. Bravo. Voilà, Est-ce que tu as un peu peur de rééditer l'histoire? Bien sûr, on a toujours peur de rééditer l'histoire et de se dire qu'on va peut-être faire les mêmes erreurs, mais justement, les ruptures, ça doit nous aider à pas faire les mêmes erreurs et puis aussi à construire quelque chose de différent, quoi. Il nous a appelé ce soir et il t'a trompé. Il est avec nous. Je suis désolé de te l'apprendre. Ton petit ami nous a appelé ce soir. Il est avec nous. C'est Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Salut tout le monde, salut toute l'équipe. Salut Nicolas. Nicolas n'est pas du tout le petit ami de Kylian, hein, mais voulait réagir. Non, t'as 26 ans, toi, t'es à Antibes. Alors, Antibes, quand on se fait larguer, comment est-ce qu'on réagit, les Antibois, les Antiboises? Ah ben, on va cash au sport et on déchire tout et on se met minable et puis après ça va mieux. Hein. On se met minable, on se met une bonne grosse murge, comme ça après on est complètement défoncé. Non mais Nicolas, toi tu as tendance à te mettre à fond dans le sport et à décompresser, quoi. Ouais, c'est ça, parce que en fait quand tu fais du sport, ben sur le moment t'oublies tout. Tu repousses tes limites, tu te reprends en main et après tu libères les endorphines et tu dors mieux. Je comprends bien, mais en même temps c'est une douleur. Toi, t'as ignoré la douleur très vite. C'est vite quand même, hein, même si c'est des fois un peu dur, mais ça fait passer le cap et puis ça va mieux, quoi, après. Hein. Franchement, c'est. Ah oui, c'est important, hein, quand même d'aller de l'avant, quoi. Toi, Alice, tu t'es déjà fait larguer. Ouais, une fois. Oh là là, comment c'est possible qu'un mec ait fait ça? Ça a été horrible. C'est vrai? Franchement, il a été vraiment. Il a été dur? Ouais, il a été super dur. Parce qu'en plus, c'est le genre de mec qui te largue, mais après qui essaye de, genre, recoucher avec toi. Ouais. Et toi, tu penses que ça veut dire que ça y est, c'est bon. Et en fait, non, pas du tout. Tu vois? Le genre de truc qui te fait bien mal. Il avait trouvé personne ce soir. Non, même pas. Je crois qu'il voulait juste plus de moi. Putain, et le mec, il doit tellement regretter. Non, je pense pas, non. Non, c'est vrai. Je pense pas qu'il regrette. Mais moi, pour passer à autre chose, déjà, je prends vraiment beaucoup de temps pour moi. J'essaye pas de rencontrer d'autres personnes. Et je pense que ce qui fait du bien aussi, c'est un bon retour aux sources, en fait. Genre, tu profites de tes amis, de ta famille, tu te recentres finalement sur tes passions, les choses qui font que tu arrives à te procurer du bonheur seul et pas uniquement en couple. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que moi, je me suis rendu compte que j'étais passée à autre chose. C'est quand j'avais pas besoin de lui ou de quelqu'un pour être heureuse. Bravo Alice, t'es un vrai modèle pour moi. Je suis très épanouie maintenant. Ça, c'est parfait. Moi, tu sais quoi, j'ai des souvenirs où on m'avait largué, j'avais la photo de la nana et tout, et je la regardais tous les soirs avant de me coucher. Et le jour où t'es passé à autre chose, tu l'as brûlé, c'est ça? Non, par contre, ce que je retiens, c'est que après, effectivement, le temps de deuil dont t'as parlé, Doc, c'est que à la fin, genre, tu retombes amoureux de quelqu'un d'autre et tu te dis, mais qu'est-ce que je foutais avec cette personne, en fait? Mais souvent, c'est ça, en fait. C'est ça, quoi. Tu te rencontres quelqu'un et tu dis, ah, finalement, c'est ça vraiment être amoureux, et t'as l'impression que t'es de plus en plus amoureux. Ah ouais. Faut rien regretter, mais parfois on se fait larguer et puis finalement c'était pas une mauvaise chose, hein. Surtout quand tu vois ce qui peut t'arriver après, faire une autre belle rencontre et être de nouveau. Oui, je suis d'accord, mais non, c'est pas ridicule ce qui se passe à ce moment-là. Il se passe quelque chose d'important dans le cœur, dans la tête des gens. Et je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Laura et Gwen, nos deux auditrices du soir qui sont frangines, qui sont avec nous. Les filles. Oui, ouais, on est là. Alors, vous êtes jamais fait larguer, vous? Non. Ils ont vraiment de la chance. Ah, sans déconner, quoi. Et vous larguez, par contre. Oui, bon, après, moi, j'ai eu que 2 relations sérieuses. Je suis restée 7 ans, et là, ça fait 2 ans avec le deuxième. Donc, t'es très sérieuse. Et tu les trompes ou pas? Très sérieuse. Attends, non, même pas. Tu trompes jamais? Même pas. Attends, c'est quoi cette histoire? Vous êtes toutes les deux maquées? Ma sœur, elle a largué il y a 3 semaines. C'est lui qui vient de téléphoner. Mais n'importe quoi. Attends, c'est vraiment lui? Non, c'est vrai. Nicolas Danty. Attends, Nicolas. Non, mais non. Nicolas, t'es là ou pas, Nico? Ouais, je suis là. Ouais. Salut Coco. Mais c'est une histoire de dingue. Mais Nicolas qui nous parlait de sa rupture, eh ben en fait, elle est avec nous. C'est notre auditrice du soir. En fait, ça. Et c'est pour ça qu'il a appelé. D'accord, Nico. Ouais. T'étais avec laquelle, Laura ou Gwen? T'en connais, hein. C'est Gwen. Hein. C'est Gwen. Alors, t'en penses quoi, là? Alors, Gwen, tu l'as rendu malheureux, Gwen? Je sais pas. Ouais, il va nous le dire. Est-ce que t'as quelque chose à dire à Gwen ce soir? Ça, c'est énorme. Bonne continuation. Oh, le pauvre. Ah, putain. T'es toujours amoureux. Bah moi maintenant, enfin je regarde devant, donc moi je passe mon chemin hein, maintenant. Nicolas, elles sont sans pitié les filles. Nicolas. Bah, non, elles ont juste fait un choix. C'est mais pas, non, mais en voilà. Même temps, j'ai été honnête aussi. Ah oui. Oui, non. Mais ça, et je lui ai dit que je l'avais trompé. Non, rien à voir avec ça. Bah Nicolas. Non, rien à voir. Nicolas, ouais. Je suis désolé, c'est un fruit du hasard que Gwen se retrouve avec nous alors que tu réagis toi-même au sujet. Nicolas, je te remercie en tout cas beaucoup pour ton appel. Ouais. Et bah, oublie Gwen. Hein. Ah. Je pense que c'est. Tente avec la sœur. Mais attends, de l'entendre à l'antenne comme ça, ça te fait un pincement au cœur à moi? Non, mais toi certainement pas. Non. Ça, là, Nicolas. Nicolas. Ouais. Ça te fait un petit pincement au cœur de l'entendre? Pas tant que ça en fait. Hein. D'accord. Ah bien. Ah, ça, tant mieux. Ça, non, ça c'est juste la fierté. Mais c'est encore autre chose. Mais non. Bon, Nico, en tout cas, t'inquiète pas. Hein, ce qu'on t'a dit, voilà, aujourd'hui, tu retrouveras quelqu'un d'autre et tu seras très heureux. Hein. C'est juste que oui. Gwen ne te méritait pas. Hein. Ah. Bah, c'est ça. Bah, bien sûr. Salut mon Nico. Salut à toi. Ciao. Ciao. Gwen, briseuse de cœur ce soir. Briseuse est avec de nous. Cœur, oui. C'est notre auditrice du soir avec sa frangine Laura. Et dans un instant, sur Fun Radio, on va parler de quoi? On sera avec Théo, c'est ça? Théo, pour le défi, fallait pas demander. Bonsoir Théo. Salut. Bonsoir. Salut. Salut Théo. Salut Doc. Salut Karel. Salut toute l'équipe. T'as 13 ans. T'es au Sable d'Olonne, Théo. Et tu vas faire le défi Fallait pas demander pour gagner ton jeu FIFA 17 au 01 42 48 5000. Tu vas appeler qui, Théo? Yanis. C'est qui, Yanis? Mon père. D'accord. Et tu vas lui demander quoi, Yanis? Papa, est-ce que c'est à capote crack? Est-ce que la fille peut tomber enceinte? Oh là là là là là là. Ça sent très très bon. Ça, vous restez bien avec nous. Théo qui va poser sa question du défi Fallait pas demander après Jonas Blue. Voici Perfect Strangers, Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. The secret tomorrow will hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't. Feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Fun Radio, Jonas Blue, Perfect Strangers. T'as une question que tu n'oserais jamais poser?

Non, Bayer. Bayer. Ah, c'est dans le, c'est, non, c'est où ça? 20 rue Bayer. 20 rue Bayer. Non, Bayer. Bayer. Non, Bayer. Tu fous de ma gueule en plus? Un peu. Hein? Nom de Dieu. T'es où? T'es où? Passe-moi mon gars. Passe-moi mon gars. T'es en direct sur Fun Radio. Hein? T'es en direct sur Fun Radio, Yanis. Oh. C'était le défi, fallait pas demander. Ah, j'en pleure de rire. Et je ne suis pas une traînée. Yanis, qui vient de se faire piéger par son papa en direct sur Fun Radio. C'était le défi, fallait pas demander. Le but du jeu, c'était de te poser une question qui allait t'énerver. Et elle t'a énervé. La question à la base, c'était: est-ce que si la capote craque, la fille peut tomber enceinte? Et après, c'est parti en cacahuète. Une chose est sûre, grâce à toi, Yanis, c'est ton fils qui repart avec le jeu FIFA 17. Bravo, bravo Théo. Ah ben. Merci. Bon, c'est clair, t'as de la chance. Parce que Yanis, il était dans un état. Bah ouais, en même temps, le pauvre. Ah non, mais. Oh là là. T'imagines la pression, t'apprends que ton fils, il a 13 ans, il va avoir un bébé. Et puis la famille de dingue. Et la famille, n'importe quoi. La famille de psychopathes. Théo, ça a été magique. Et alors, ton papa, il est fantastique. Grave. Hein. Qu'est-ce que... Il a bien raison de tremper sa nouille partout. Oui, ben oui. Yanis, tu nous en veux pas, hein, j'espère, Yanis. Non, mais bon, le cœur a quand même bien palpité. C'est le but, c'est le but. Théo, fais un gros bisou à ton père. Merci, bisous. Ouais, ben on va en reparler un petit peu. Vous allez pouvoir faire des parties de FIFA 17 là bientôt. Là. Ouais, tous les deux. À la maison, on fait deux trois choses de la vie. Ouais, non mais t'inquiète. Ouais, il s'amuse là, Théo. C'est pour déconner, mais t'inquiète. Hein. Ouais, non, mais il y a pas de. On va quand même envoyer les capotes, hein, j'ai l'impression. ça va pas tarder. Ouais, ouais. Yanis, Théo, fait un gros bisou et bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Salut Yanis, salut Théo. Salut. Fallait pas demander. Dans Levin Fun. 01 42 48 5 minutes, tout déchiré, nous appelle à chaque soir sur Fun Radio. On a une artiste dans l'équipe, c'est Cindy. Mais pas n'importe laquelle. Hein. Mais bien sûr, Cindy qui joue du violoncelle. Alors il faut quand même savoir qu'elle est régulièrement dans des orchestres. De musique classique. Absolument. Alors on vous a demandé sur Twitter avec le hashtag Levin Fun, qu'est-ce que vous voudriez que Cindy vous joue là maintenant sur Fun Radio. Alors déjà pour faire plaisir à Doc, Cindy. Non, je vais juste demander à Cindy, le dernier concert que tu as joué, c'était quelle musique? Beethoven. Voilà, merci. Ah, est-ce que tu peux nous faire un petit peu de Mozart pour Doc? Oui. Beethoven, je suis pas contre. Ta gueule, Doc. Ta gueule, toi. Ouais, génial, ouais. Bah. Il est comme un dingue. Ah oui, j'adore. Voilà, Mozart, on peut applaudir, c'est bravo. Bravo. Mozart. Génie de la musique. Du Mozart sur Fun Radio, jamais j'aurais cru de ma vie. Jamais j'aurais pu. Tout est possible dans cette émission, Doc. Tu le sais bien. Tu le sais bien. Alors, même quelques secondes. Alice, qu'est-ce qu'on nous a demandé sur le hashtag Love In Fun? Bah écoute, parmi les propositions qu'on a eues sur le hashtag Love In Fun, en message privé sur Facebook, il y a Quentin qui nous dit DJ Snake et Justin Bieber, Let Me Love You. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu la musique, justement, et toi, tu vas accompagner Cindy. D'accord? Ouais, c'est ça, ok. On y va, bah c'est parti, Justin Bieber, DJ Snake, Let Me Love You. Bravo! N'empêche qu'elle a une oreille musicale. Continue, tu fais ça à l'oreille, hein? Elle a une oreille, attends, l'oreille absolue, t'as l'oreille absolue. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Ouais, j'ai l'oreille absolue. Non mais, pas moi, non, hélas, j'aimerais bien, mais attends, être capable d'entendre une musique, de reproduire le son seulement en l'écoutant, je trouve ça... Ah, c'est juste cultive, bah, carrément, c'est juste... Elle est incroyable, notre Cindy. Ah ouais, non mais alors, Cindy... Quand même, quand vous appelez au standard... Quand même que vous sachiez que vous avez affaire à une artiste de grand talent qui joue du violoncelle dans les concerts et qui joue Beethoven. Alors, ça veut dire, si Doc il est comme ça là, avec toi, ça veut dire qu'il aimerait bien que tu viennes jouer à son mariage. Ouais. Plaisir, mais c'est payé combien du coup? Elle tu veux que je te dise, je m'en fiche, je paierai. Cindy, demande à Max. Demande à Max, Cindy. Cindy, on nous a demandé, j'ai vu aussi sur le hashtag Love in Fun, la musique de Games of Thrones. Ouais, c'est Maeva qui nous a demandé ça, exactement. C'est parti. Moi, j'ai des frissons. Là, elle est en train de nous dire, à côté de ce que je joue, il n'y a que quelques notes dans cette chanson. Voilà ce qu'elle est en train de nous dire. C'est ce qu'elle vient de dire. Mais bon, je ne critique pas, mais c'est comme la réalité. Un petit Mario Bros pour finir. un petit Super Mario. Putain! Je m'en fous de cette musique. J'ai envie d'attraper des pièces. Fais-moi quelques notes de Beethoven, s'il te plaît. Quelques notes de Beethoven. Est-ce que tu viens de jouer? Orgasme de Doc en direct. Ah, bah oui, moi je peux. Tu peux faire quoi? Oh, Lina, joie! Oh, magnifique! Alors, on est en train de perdre Doc, je vous le dis. C'est parti. Ah oui. Oh là là, il y a l'ordi d'Alice. Oups! Un Mac en moins. Dans cette émission du Mozart et du Beethoven, ben je pense pas que dans d'autres émissions ça puisse se passer. Eh ben bravo, bravo Cindy. Merci Cindy. Ah non, c'est voilà. Franchement, beaucoup de talent, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux pour. Pour Cindy. Ah ouais, c'est juste énorme. Dans un instant, il y aura le chiffre d'Alice sur Fun Radio. Et si vous voulez voir, on vous a mis un petit snap, bien sûr, sur le Snapchat de l'émission Love in Fun Radio. Et ça a été filmé. On vous mettra ça sur le Twitter et le Facebook de l'émission. Petit chiffre ce soir, un nouveau chiffre. Ouais, c'est nettement moins classe que du Beethoven parce qu'apparemment, il y a 25% des gens qui ont déjà couché avec une personne en couple. Ah! Voilà. On va parler de ça. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà fait la faute? C'est une faute de faire ça. Oh la boulette. Normalement, on couche pas avec quelqu'un qui est déjà en couple. Mais non, mais je pourrais faire un jeu de mots, mais grave le, mais j'ose pas. Bah vas-y, hein, maintenant que t'as commencé. C'est plus Beethoven, mais c'est Beethoven. Ok. Dites-nous. Bah franchement, c'est la première vanne que. 01 42 48 5000 Son of Legend. Ça va débarquer avec Blue. Dabadi dabada. Dans 3 minutes, on est de retour sur Fun Radio. À tout de suite, tout le monde. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Je suis exceptionnel. Anso, attention, on va jouer. Top, c'est parti. Qu'est-ce qu'on offre cette semaine dans le Night Show? Des PS4 et des jeux Lego Dimensions. Question numéro 2, qu'est-ce que Lego Dimensions? 14 aventures inspirées des plus grands films. Exemple, Jurassic World, Ghostbusters, Batman, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Retour vers le futur et plein d'autres. Eh bah, dis donc, t'es forte, hein. J'ai gagné un truc? Non. C'est assez embarrassant. Tous les soirs, 22h minuit, here we go! Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Bridget Jones est de retour. Et sa situation amoureuse est plus que compliquée. Entre une nouvelle rencontre... Salut, toi. Son ancien amour... Monsieur Darcy. Et un tout petit détail. Je suis enceinte ? Mais qui est le père ? Bridget Jones Baby, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Patrick Dempsey, le 5 octobre au cinéma. Fun Radio présente I Love Techno Europe, samedi 10 décembre, au Parc des Expos de Montpellier. I Love Techno. Retrouvez sur scène Laurent Garnier, Masséoplex, Vitalik, Ben Clock, B2B, Marcel Detman et bien d'autres. Infos et réservations, point de vente habituel. ilovetechnoeurope.com et funradio.fr. I Love Techno. I Love Techno Europe avec Fun Radio. Le son dance floor. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Miniservice. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. Fun Radio présente I Love Techno Europe, samedi 10 décembre, au Parc des Expos de Montpellier. I Love Techno. Retrouvez sur scène Laurent Garnier, Masséoplex, Vitalik, Ben Clock, B2B, Marcel Detman et bien d'autres. Infos et réservations, point de vente habituel. ilovetechnoeurope.com et funradio.fr. I Love Techno. I Love Techno Europe avec Fun Radio. Le son dance floor. Tous les soirs. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. C'est Love in of Legend Blue sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice, dans Love in Fun sur Fun Radio. Tous les soirs, Alice découvre un nouveau chiffre. Et un ouais. chiffre ce soir qui va parler un petit peu d'infidélité quelque ah bah. Part. Bah ça dépend de quel point de vue on se place. Si on ouais, se place vrai. Du point de vue de la personne en couple ou pas en couple. Et oui, donc, quel est ce chiffre? 25% des gens ont déjà couché avec une personne en couple justement. Oh et ouais. 25%. C'est beaucoup hein, quand même. Hein. Bah ouais, hein, ça fait quand même une personne sur quatre. Bah oui, et alors il y a. Ça peut-être pas à chaque fois. Bah c'est ça. Des fois il y a des mauvaises surprises. Ah oui. Tu veux dire par là que parfois t'as des mecs qui font croire qu'ils sont célibataires. Même des filles. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, qui trichent, oui. Bah dites-nous si ça a déjà été votre cas. 01 42 48 5000. Venez nous raconter quand est-ce que la personne l'a su. Parce que parfois ça arrive que la personne trompée soit au courant qu'il y a quelqu'un d'autre. Et généralement ça fout la merde. Hein. On a Sophie qui est avec nous, 21 ans d'Épinal. Bonsoir Sophie. Salut bonsoir, Sophie. Salut. Bonsoir Sophie, t'es déjà sortie avec quelqu'un qui avait déjà quelqu'un? Oui. Oui? Vas-y, raconte. Oui, mais c'est pas cool. Hein. Bon, en fait, c'est un collègue de bureau. Donc, oui. Je suis arrivée dans l'entreprise et c'était mon formateur. Donc, il était supérieur à moi. Et en fait, je lui plaisais et il me plaisait aussi. Et je savais pas qu'il était en couple et je l'ai su avant, hein, bien sûr. Et ça m'a pas bloqué. Enfin, ah peu. Oui. C'est-à-dire que tu savais qu'il était avec un mec, avec une fille, mais tu y es quand même allé. Ouais. C'était quoi, l'histoire d'un soir de... 5 mois. Ah, 5 mois quand même. D'accord. Ouais, il était marié, il avait des enfants, ouais. Ah ouais, mais c'est quand même super chaud. Est-ce que tu as espéré qu'il quitte sa femme pour toi? Pas du tout. Pas du tout. J'étais pas, mais quand il rentrait chez lui, quand il partait, j'étais mais pas du tout jalouse, je ressentais mais rien du tout. D'accord. Mais alors, comment tu... Enfin, je sais pas, cette relation, elle t'apportait quoi, en fait? Ben, je me... Bizarrement, ça me faisait me sentir belle, en fait. D'accord. Ben, je me disais que je plaisais, en fait, bizarrement. Enfin, et pourquoi ça a duré 5 mois? T'as eu envie d'arrêter, ou c'est lui? Ben, en fait, j'ai déménagé. D'accord, t'es parti, donc tu l'as pas revu. Il y avait d'autres formations avec d'autres filles aussi. t'étais pas très très amoureuse au final. Ah non, pas du tout. T'étais d'accord. Flattée, parce que finalement c'était ton supérieur, tu l'as dit. D'une certaine façon, voilà. Pour toi, ça t'apportait quelque chose, enfin au moins sur ce terrain-là. Sophie, tu regrettes ou pas? Pas du tout. Un peu, ouais. Quand même. Ah ouais, elle me dit qu'un jour elle le saura et. Non, bah non. Oh, tu veux que je te dise? Non, tu dois pas être la seule. Oh, ça veut rien dire, Doc. Ouais, non, tu ouais, crois? Attends, tu trompes une fois, tu trompes toujours? Bah là, précisément, attends, c'est pas un coup comme ça. C'est le mec qui a une maîtresse régulière. Enfin, c'est bon. Est-ce que lui, il était amoureux ou c'était, t'avais juste ce sentiment que lui aussi, c'était un petit coup de temps en temps et puis. Bah lui, il me disait que lui, mais qu'il pourrait jamais partir, quoi. D'accord, bah, ok. C'est donc... pas ce que je voulais, hein. C'est pas ce que je voulais. Il était sincère avec toi, en tout cas, à ce niveau-là. Oui, bah, il me disait que j'étais la seule, que j'étais la première. Oui, enfin, il faut se méfier, hein. Il faut se méfier de certains mecs mariés. La seule, la première. Oui. Ouais, ouais. Non, mais à mon avis, t'as certains mecs mariés, voilà, qui sont avec leur nana à la maison, qu'on en a un petit peu marre et qui vont tremper leur poireau à droite à gauche. Se dégourdir le gland. Absolument. Il faut se méfier des gars-là, hein, parce que généralement, ils t'apportent rien de bon. Hein. Mélina. Le plus important, c'est que t'étais pas amoureuse, voilà. Mélina, t'es là? Salut. Coucou. Salut Mel. T'as 20 ans, t'es à Aix-les-Bains. C'est ça. T'es déjà sorti avec un mec qui était en couple, tu le savais ou pas? Non, justement, il me l'a pas dit, en fait. Enculé. Oh, pardon. Non, mais raconte ton histoire, ça s'est passé comment? En fait, c'était un mec qui travaillait dans un bar, donc un barman. Mmh. Et on était en boîte de nuit, puis il m'a dit, viens chez moi. Je fais, bah, ok, je fais, mais t'es en couple ou pas? Il fait, non, t'inquiète, y a pas de soucis. Bien sûr. Et voilà. Alors? Et en fait, j'ai appris de la bouche d'une copine qu'il avait une meuf. Oui. Donc ce que je suis allée faire, c'est que j'ai croisé sa meuf en boîte, je suis allée la voir, je lui ai fait écoute, j'ai couché avec ton mec parce qu'il m'a dit qu'il était célibataire. Mais non, t'as osé faire ça? Bah oui. Mais comment elle a réagi? Elle t'a collé une baffe, non? Bah déjà, elle était choquée sur le coup, puis après elle me dit, bah écoute, passe-moi ton numéro, on en parle demain. Elle dit, moi, elle était en boîte, la pauvre, et elle a dit, je vais rentrer, je vais aller le voir, et voilà. Ah ouais, putain, histoire de dingue. Mais après, il s'est passé quoi? Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, bah écoute, du coup, je l'ai quitté, hein, je suis encore heureux. Et elle me dit, est-ce que tu sais comment le faire couler, en gros? Parce qu'elle voulait se venger. Ouais. Et du coup, en fait, je l'ai aidée à se venger, en fait. Ah oui, faire quoi, oui. Bah, on savait qu'il prenait des substances pas très légales à son boulot. Il prenait quoi? Des cocaïnes. Il se coquait toute la journée. Quoi. D'accord. Donc, on l'a dit à sa responsable. On savait qu'il volait des bouteilles à son bar. On l'a dit à sa responsable. Attends, t'es en train de dire que vous êtes allé voir sa boss pour lui dire que le mec, il se prenait de la cocaïne toute la journée? Bah ouais. Ah ouais, et donc il a perdu son boulot? Bah, il a perdu son boulot, il a perdu sa dignité. Mais bon, ça, je sais pas s'il l'avait. Ah ouais, non, juste parce que il a trempé son biscuit. Hein. Non, moi, je trouve que ça se fait pas, en fait. Il a triché. Ouais, enfin bon, de là à ce qu'il perde son taf et tout, c'est... Et il vous en a voulu ou pas? Ou il le savait pas? Ouais, après, il est parti loin, il m'a fait des menaces de mort, il voulait porter plainte contre moi... Moi, je crois pas qu'il faille se venger. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu règles tes comptes. Sais, une femme blessée peut aller très loin. Ah bah, la preuve. Hein. La preuve, le mec, il a perdu son taf, quoi. Sans déconner. T'as, c'est une histoire de dingue, Mélina, là, pour le coup, que tu viens de nous raconter. Kevin aussi est là. Bonsoir, Kevin. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, toute l'équipe. Salut. Alors, Kevin, je sais pas si t'as entendu ce qu'a dit Mélina, mais je te conseille pas d'aller tremper ton biscuit quelque part. Hein, parce que tu sais, les femmes, quand elles se vengent, c'est violent, le truc. Hein. Ah bah... Moi, c'est un peu bâtard. On va me traiter de bâtard, j'en suis sûr. Là, beaucoup, ils vont penser comme ça. En fait, j'ai une copine et un pote qui se sont mariés il y a 3 ans de ça. Et en fait, j'étais témoin de leur mariage, de son pote, de mon pote, toi, et de son gars. Tu me fais peur. Et en fait, 3 jours après, j'ai couché avec sa femme. Il est content. Attends, explique-moi comment ça s'est fait, parce que 3 jours après le mariage. Oui, 3 jours après le mariage. Ils sont mariés samedi. Comment t'as fait? Comment j'ai fait, mais en fait, elle était en kiff sur moi, mais je savais pas, ça faisait des années, quoi. Bah, ça faisait 2 ans qu'on se connaissait, c'est elle qui m'avait présenté mon ex et tout. Et en fait, la meuf, elle me kiffait, puis. D'accord. Voilà. Attends, et c'est terminé comment? Ouais, ben, personne n'a su, quoi. C'est entre elle et moi, quoi. Le mec, c'était un bon pote à toi? Bah à la base, ouais, on était tous les week-ends ensemble et tout. T'étais son témoin. Ouais, c'est témoin de mariage. D'accord. Et tu t'es tapé sa femme. Voilà, 3 jours après. Ok. Effectivement, t'es un gros bâtard. Il l'a pas su. Non, il l'a pas su. Non, en priori, ils sont toujours ensemble. Je crois qu'ils ont 2 enfants. Justement, non, là, au téléphone. Oui, on fait la vanne à chaque fois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, si jamais il reconnaît ta voix, 01 42 48 5000, bien sûr, pour nous appeler. Avec Kevin, c'est une histoire de rien. C'est marrant. Okay. Ouais. Oui, bah oui. Kevin, il est vraiment, je m'en foutis. T'as encore des nouvelles de lui ou pas depuis Non, ça fait un an, on se parle plus, mais après, on se voyait encore. Hein. Ils sont toujours mariés. Ouais, ils sont toujours mariés, ouais, mais ils se voyaient encore, après qu'ils se sont mariés, pendant un an encore, on s'est vu et tout. Ouais, il l'a jamais su. Et pourquoi tu le vois plus? Oh, bah, à force, la distance et tout ça, bon, on s'est plus trop, on a perdu contact, okay. Et puis voilà. Elle t'a pas réchauffé après, sa femme? Non. À mon avis, elle a tout fait pour les éloigner, ouais. Ah ouais, non, ça, c'est chaud comme c'est situation. C'est pour ça que vous voyez plus. Non, pas sûr, j'en suis sûr, il y a toujours moyen. Et moi, je veux il manque pas derrière, il y a toujours moyen de repartir avec elle. Je veux juste savoir un truc, en fait. Tu dis 3 jours après, j'ai couché avec elle. Ce que tu oublies de nous dire, c'est comment ça s'est passé, en fait. C'est-à-dire, c'est elle qui est venue vers toi, comment ça s'est passé? Mais en fait, on se croyait tout le temps ensemble, j'étais tout le temps chez eux, on s'entendait bien et tout, et puis, à force, on se taquinait, et elle m'avait présenté sa cousine, une semaine avant, j'avais tapé sa cousine, et puis sa cousine, elle a bien parlé, et puis elle a voulu tester aussi. Hein. En plus, t'as pas les chevilles qui enflent, toi. Oui, j'ai tapé sa cousine. Non, mais sa cousine a parlé, du coup. J'ai tapé sa mamie. Non, quand même pas. Non, okay. Mais c'est comme ça, c'est la vérité, après, voilà. D'accord, non mais, justement. C'est le passé, il fallait bien s'amuser. Mais c'est pour ça qu'on aime cette émission, il y a de vrais témoignages, avec des vrais auditeurs. Ah oui, c'est complètement vrai, hein. Mais je sais qu'il dit pas juste des nouvelles enflures. Tu te maries. 3 jours après, ta femme fait ça. T'en penses quoi? Le mec, je le tue et je crois que je la tue avec. Malin. Okay. Ah oui, bien sûr. Ça, j'adore cette. Mais tu as conscience des hommes. Non, mais je suis d'accord. C'est un truc. Moi, je peux pas. J'ai jamais trompé une fille. Hein. Jamais de ma vie, j'ai trompé une fille. Mais il y en a plein. Ils m'ont trompé. Ils ont trompé avec moi. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais trompé une fille. Et pourtant, je suis le premier falcon. Mais écoute. Ça, Kevin, mais pourtant, je te remercie et tu peux d'ores et déjà savoir que tu as un contrat sur ta tête. Hein. Et on ne te prendra pas pour témoin. Quoi. Attention, Kevin. Kevin ne sera pas invité au mariage de Doc et Katoche. Je ne te prends pas comme témoin. Ah, ça, c'est sûr. Avec Kevin. Alice, elle ne veut pas. Non. Merci, ça ira. Et non, c'est un échec. Il y a beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux, mais je voulais quand même demander à Gwen et Laura, nos deux auditrices du soir, si ça leur était déjà arrivé. Vous êtes là, les filles, hein? Oui, toujours. Gwen, Laura... Laura, non, et toi, Gwen? Oui, ça m'est arrivé. D'accord, t'as couché avec quelqu'un qui était en couple? C'est ça, il y a longtemps, quand j'avais 19 ans, je crois. J'avais rencontré un mec en soirée, on a couché ensemble, et juste après, il m'a dit, ah ben en fait, je suis en couple. Ah, comment t'as réagi, là? Ah ben moi, je m'en foutais, je voulais juste m'éclater. D'accord, ok, très bien. Ah oui, non, mais c'est une manière de s'amuser, ça c'est sûr. Des réactions sur les réseaux sociaux, Alice? Ouais, des réactions pas top, hein, parce que Quentin, lui, il a une relation pendant 2 ans en cachette avec la meuf de son cousin. Ah ouais? Donc il était en relation avec elle. Et Émilie, donc ça c'est pas sympa non plus, elle a couché avec le mec de sa meilleure pote. Donc un peu dans le même délire que Kevin. Ah, mais donc dans ces moments-là, dans ces moments-là, en plus, tu sais très bien qu'ils sont en couple, hein, il n'y a pas de oups, ne savais pas. En fait, la vérité, Doc, c'est qu'il y en a plein qui ne savent pas qu'ils sont cocus, en fait. Ah bah ouais. Oui, il vaut mieux pas. Ouais. Parce que parfois, il y a des trucs qui restent cachés et tout, quoi. Mais... En même temps, bon. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu cocus quelque part? Bah si. Hein. Parle pour toi, oui. Non, justement, Doc, elle est avec nous, c'est Catherine Katoche, qui a quelque chose à te dire, qui voulait réagir ce soir aussi. Tu sais qu'elle n'a plus de téléphone, là. Oui, c'est vrai, on a volé le téléphone portable de Katoche. On a des nouvelles de cette enquête ou pas, là, au standard? Vous avez eu les malfrats au téléphone, non? Non, rien du tout. Rien du tout encore, Doc. Aussi, mais... Ils ne se sont pas rendus. Ça, pour Kim Kardashian, ils ne vont pas trouver les valises. C'est ça. Mais là, on va les trouver. Je rappelle que nous sommes à la recherche des agresseurs de Kim Kardashian et du voleur du téléphone portable de Katoche. Je pense que c'est les mêmes, hein, de toute façon. À mon avis, cette petite histoire, il y a forcément quelque chose. T'as raison, Alice. 01 42 48 5000. Dans un instant, on sera avec Thomas, 18 ans, de Rouen. Salut Thomas. Salut Karim. Salut Doc. Salut équipe. Salut Thomas. T'appelles pourquoi? Alors moi, j'appelle, c'est parce qu'en fait, je me masturbe pas sur des sites porno, mais je me masturbe sur les photos de mes amis sur Facebook. Oh non. Okay. À peine flippant le mec. Ok, Thomas, psychopathe, dans un instant, restez avec nous, Love in Fun. Voici Bob Sinclair, Someone Who Needs Me. Sinclair sur Fun Radio. 20h, 22h. 0,42,48,5. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Jusqu'à 22h, on est tous les soirs en direct sur funradio.fr. D'ailleurs, vous pouvez nous mater puisqu'on est filmé tous les soirs en streaming. Le site de funradio.fr. C'est super simple pour nous trouver. Hein. Même Doc a réussi à se connecter. C'est vous dire. Hein, ça, tu nous vois, Doc? Non. Il est pas content. Ça l'énerve. Non, mais attends, non, mais je le chambre là-dessus, mais Doc, sur les nouvelles technologies, c'est un killer. Mais c'est vrai. Il a quatre téléphones, tout le temps connecté. Trois téléphones parce que. Un mini iPad aussi. Un mini iPad, t'as quoi d'autre chez toi encore, hein, Doc? T'as combien d'ordinateurs? Trois ou quatre ordinateurs. Trois ou quatre ordinateurs. Vas-y, tu veux pas m'en donner un là? Si non. Tu veux, ouais. J'ai déjà donné à l'antenne. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut savoir que dès que Doc achète quelque chose, on finira par l'offrir à l'antenne. C'est quoi le prochain là, qu'on va pouvoir là, filer, je Doc? Je me mets un peu en stand-by parce que. Parce que Katoche a besoin d'un nouveau téléphone. C'est pour ça. 01 42 48 5000, on va accueillir Thomas, 18 ans de Rouen. Bonsoir Thomas. Salut Karel, salut Doc, salut l'équipe. Salut. Alors Thomas, raconte-nous là, parce que tu fais un peu flipper, mec. Hein, je te le dis direct. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Bah en fait tu vois genre il y a plein d'amis du lycée là qui se masturbent devant des films porno, tout ça, tu kiffes et tout ça quoi. Mmh. Sauf que moi mon délire en fait c'est de me masturber devant les photos de profil de mes amis Facebook, que ce soit des amis du lycée ou des amis que j'ai rencontrés. D'accord. À l'extérieur. Tu fantasmes sur eux? Ça t'excite? Mais ouais, enfin ça m'excite de ouf quoi, mais après bon bah c'est sûr que le lendemain matin quand je revois la scène et tout, bah je me sens un peu gêné quoi quand j'arrive devant la personne, mais voilà. Sauf bon, que tu l'as pas fait devant la personne, devant son après, image, et il ne le sait pas. Bah oui. T'es pas allé le dire quand même. Il y a plein de personnes qui se masturbent sur des gens qui croisent au quotidien et c'est pas pour autant que ça va changer tes rapports avec eux. C'est... Je pense que non. Bah oui, non. Même sûr que non. Après Thomas. Ça reste le registre du fantasme, c'est pas la réalité, il faut bien l'imaginer. Mais c'est quand même un peu flippant. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Laura et Gwen, d'autres auditrices du soir. Laura et Gwen, vous êtes toutes les deux sur Facebook. Mais moi, qui ne me suis même pas sur Facebook, hein. Ah, Tu m'étonnes. Ah ouais, non, parce que en fait, j'imagine Thomas que tu vas dans les photos, genre les photos où elles sont en maillot de bain quand c'était l'été, enfin des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà, où il y a un petit décolleté et tout ça, quoi. Oh là là. Laura, Gwen, vous en pensez quoi? Bon, bah, moi, à cause de Thomas, j'ai désactivé mon compte Facebook dès ce soir. Ah, d'accord. Désactivation Facebook. Non, mais c'est ça, Thomas. En fait, tu peux paraître pour un mec un peu flippant. Après, je pense que tu dois pas être le seul à faire un délire comme ça. Non, je dois pas être le seul. Mais c'est que les films porno, ça me dégoûte un peu, quoi. Parce qu'il y a de la violence et tout. Alors, et c'est un peu dégueulasse, quoi. Là, j'adhère à ce que tu dis totalement. Premièrement, le fantasme, effectivement, ça perd sur qui tu veux. Dans la mesure où ça reste très personnel. Ça n'a rien à voir avec une agression sexuelle, un manque de respect. Parce que c'est du fantasme sur l'image que tu veux. Et c'est très personnel. En revanche, je suis d'accord avec toi pour dire que finalement, le film porno est utilisé pour se procurer une excitation et pour avoir des orgasmes et du plaisir. Et qu'en fait, ça ne correspond pas à la réalité. Je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, l'individu est objetisé. Voilà. Homme et fille, garçon et fille, tout pareil. Donc je suis d'accord avec toi. Thomas, je me suis connecté sur le Facebook d'Alice. Est-ce que je peux t'ajouter en ami? Oh non, ne fais pas ça. Ah ouais, carrément. Non, t'es déjà allé soyons clairs. Est-ce que t'es déjà allé comme ça sur des Facebook de personnes un petit peu célèbres pour si tu veux vraiment que je sois sincère. Ouais. Une fois, j'ai regardé de la vidéo de Fun Radio et je me suis masturbé devant. Devant nous? Devant le live Facebook. D'accord, mais tu sais qu'à un moment donné, enfin, je veux dire, la caméra, parfois elle passe sur Doc, parfois elle passe sur moi, et un peu sur Alice aussi. Ouais, mais je sais pas, après c'est des envies passantes, et puis je vais sur le site de Fun Radio, enfin voilà. En fait, à la base, ça part juste d'une intention de vous écouter, de vous regarder, et ensuite, je sais pas, j'ai une envie, et puis d'accord. Voilà, je vous regarde, au lieu de passer sur un site porno, je vous regarde, quoi. Eh bien, on va faire un petit coucou à tous ceux qui se tapent une queue, là, en ce moment, devant le live, funradio.fr. Il y a peut-être aussi des filles, Ah, mais bien sûr. Je suis pas sûr. Thomas, tu vas être le premier à qui j'ai envie de dire ne regarde pas le live. Écoute seulement, fais-toi plaisir. Respecte ton écran. Je te fais une grosse bise. En tout cas, t'es normal, Thomas. Ne t'inquiète pas, d'accord? D'accord, ouais, merci. Il n'y a pas de problème, salut. Thomas. Et bonne branlette. Salut. Merci beaucoup. La question de l'internat, je rappelle, si vous êtes dans un internat, vous pouvez nous appeler là, 01 42 48 5000 avec tous les potes, les copines. Vous passez sur l'antenne, vous venez poser votre question, vous faites une dédicace pour tout votre bahut. On vous attend. En plus, vous repartez avec du cadeau, distribution de capotes pour toute l'école. 01 42 48 5000. On sera avec Florian aussi, 23 ans de Calais. Salut Florian. Salut. Salut Karel. Salut Doc. Salut Alice. Salut Florian, tu nous appelles pourquoi? Alors moi je vous appelle parce que je fais des cauchemars assez flippants. D'accord, tu vas nous raconter tes cauchemars. N'hésitez pas à le faire vous aussi si vous faites des cauchemars de dingue. 01 42 48 5000, on revient avec Félix Jane. Bonfire, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Hi, I'm Calvin Harris and this is my song. At least I did it my way. The Weeknd et Daft Punk. WNW. Sac Noël et Sean Paul. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Yo, this is the Major Lazer, and we are on Fun Radio. Hey, what's up, guys? It's Martin Garrix. This year, Fun Radio is the place to be. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais, je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça. Ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché. Maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Love Love in Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Ouais, je m'appelle Karel, Doc est avec nous, oui, bien sûr, comme là. Tous les soirs. Alice, aux réseaux sociaux, qui lit tous vos messages pendant la soirée. Sur le Facebook de l'émission, le Twitter, hashtag Love in Fun, le Snapchat, Love in Fun Radio. Si vous voulez revoir la prestation. Oh oui, de quelle Cindy. Belle prestation. Ah oui. Ah oui. Doc est retombé amoureux. Elle nous a joué du violoncelle. Non, non, ça, non, attends. Il faudrait qu'on arrive à extraire une vidéo où Doc découvre du Mozart sur Fun Radio. Ouais, je découvre Mozart. Il a joué. Non, je connais Mozart, mais je ne le découvre pas. Mais je découvre les talents, Cindy. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Et elle en a plein d'autres. Bah, ça, c'est ton problème. Alors, Kassim, où tu veux en venir? Ah bah, je sais pas. Faut demander à son mec. Ah, d'accord, ok, voilà. Encore. Ça ne me regarde pas. Le mec parle pour rien, tu sais. J'ai failli dire son prénom en plus. Mais non, ne le dis pas. C'est vrai que c'est quelqu'un qui travaille à la radio. Et il est plutôt matinal. Oui, voilà. Il m'a dit que si t'assistais, te casser la gueule dans les couloirs. Bah, il me fait pas peur. Fais gaffe, ouais. Il est quand même plus costaud que toi. Et hein, barbu. On va accueillir Florian, 23 ans de Calais au standard, là, 01 42 48 5000. Salut Florian. Salut. Salut à toi. Salut. Florian. Tu nous appelles pourquoi? Alors moi j'ai un souci, c'est que je fais des cauchemars. Oui. Et je bouge en fait. Hein. Je me lève, je marche, je crie, la totale. Quoi. D'accord. Tu te bouges, tu te lèves quand tu fais des cauchemars? Ouais, bah genre cette nuit, j'étais debout sur mon lit, en train de tenir le plafond, et en train de gueuler parce que je croyais que le plafond tombait. D'accord. Donc j'essayais de pousser ma copine avec mon pied, et voilà, j'en sortais pas, quoi, il a fait le cadre réveil. Ça fait longtemps que t'as des cauchemars bruyants? Ouais, ça fait pas mal de temps. Mais c'est somnambule. Ça vient par période, en fait. Ouais, je sais pas si c'est somnambule. D'accord, est-ce que c'est toujours le même cauchemar? C'est toujours à peu près la même chose. C'est pas exactement le même, mais c'est quoi la scène? C'est toujours quelque chose qui me tombe dessus ou qui se ferme sur moi ou je me retrouve coincé. Donc t'es un peu claustrophobe, t'as peur d'être enfermé. Bah ouais, mais pourtant. Dans la journée. Oui, dans la journée, tout va bien, tu es en pleine forme. Bah ouais. Ok. Et Écoute, non, mais je sais pas, le problème du sommeil, si le sommeil est bon, t'es en pleine forme dans la journée. Donc, le sommeil peut être agité. 25% du sommeil d'un adulte est un sommeil agité où il se passe beaucoup de choses. Et là, toi, c'est un petit peu démonstratif et bruyant, mais si t'en souffres pas plus que ça et si tu te réveilles en forme le lendemain matin, je suis pas sûr que ce soit un problème. Si t'as une vie satisfaisante dans la journée, bien sûr. C'est quand même un peu un problème parce que déjà cet été j'étais en vacances avec des copains et j'ai quand même fait tomber une armoire avec la télé sur mon copain qui était à côté. Quoi? Télé pété et tout, j'imagine? Non, même pas, parce qu'elle est tombée sur le lit, elle est tombée sur sa jambe, quoi. Mais lui, il a douillé et puis surtout, il a hurlé. Donc, enfin, c'est que des trucs comme ça. Hein. Souvent, je pousse la personne qui est à côté ou j'essaie de m'enfuir. Des fois, je me suis déjà jeté contre mon armoire en voulant éviter. Ouais, il faut t'attacher, toi. Toi, on va t'attacher, hein, je te le dis direct. Des fois, il y a des chocs quand même. Oui, t'as un sommeil extrêmement agité où tu vis une vie trépidante dans ton sommeil. Voilà, après, bon, tu peux en parler à un psychothérapeute, pourquoi pas, faire une hypnose pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. L'hypnothérapie, c'est pas mal, parce qu'évidemment, c'est ton inconscient qui s'exprime. Il y a quelque chose qui t'a troublé, c'est toujours le même cauchemar. C'est la seule chose qui m'alerte un petit peu, en relativisant compte tenu du fait que la journée, tu vas bien, t'as une vie relationnelle, ça va, avec tes potes, tout ça, ça va bien. Ouais, non. Dans ton boulot, ça va? Ah ben c'est compliqué, c'est sous pression. Ah ben tu vois, donc ne dis pas que ça va bien dans la journée quand ça va pas bien dans la journée. Ouais, ça vient peut-être de ton travail. Mais je veux dire, ça va bien physiquement, je suis bien quoi. Non, physiquement, j'en tu bien. Fais quoi dans la vie? Oui. Bah, je gère un magasin. Et c'est dur, t'as du mal, c'est compliqué. Ouais, bah je fais des gros horaires et puis c'est assez physique par moment et puis surtout c'est la pression des résultats quoi. Et d'accord. Donc ça, c'est un métier très difficile. Écoute, va voir un psychothérapeute, pourquoi pas. Et essayer de comprendre ce qui se passe, et puis aussi décomprimer un peu la journée, parce que le problème, c'est que si tu as des journées où tu te sens en danger, avec des difficultés, en tension nerveuse, c'est sûr que ça peut ressurgir dans ton sommeil, c'est une réalité. Pourquoi on rêve? Pourquoi on fait des cauchemars, Doc? Parce que tu as un inconscient, et que tout ce que tu vis, tout ce que tu as emmagasiné de façon inconsciente peut ressortir dans le sommeil, et aussi tout simplement des craintes, des peurs, ce que tu vis dans la journée, que tu peux revivre dans ton sommeil de façon un peu parfois complètement modifiée, mais réelle. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, si c'est toujours le même cauchemar, c'est la seule chose qui me fait dire qu'il y a peut-être un problème. En général, il y a une grande diversité dans les rêves, dans les cauchemars. Au d'accord. Cas, bon, c'est pas grave. Bon, il faut peut-être s'en inquiéter un petit peu. Un psychothérapeute et parler de ça. OK? Ouais. Et on va éviter de dormir à côté de toi. Hein. J'embrasse ta chérie. T'as une meuf ou pas? Bah oui. D'accord. Ouais, bah la pauvre. Tu lui préviens qu'il est dangereux de dormir avec toi? Ah non, bah elle le sait bien, elle a compris. Ah oui. Et t'as déjà eu un rapport sexuel en dormant? Non, pas encore. Ah, parce que ça existe. Ça existe. Si c'était hein. Ça, ouais, je serais pas contre. Mais... C'est du sexambulisme. On avait déjà parlé à l'antenne. Ça existe, oui. Il y en a qui se réveillent la nuit, enfin qui se réveillent pas, qui dorment, qui sont dans leurs rêves et qui font l'amour à leur partenaire. Comme Cassim. Voilà, c'est ça. Cassim, ouais, tu fais ça, toi? Ah bah, je me suis déjà retrouvé la tête dans un cul, moi. Je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Bah, je vais continuer. Et là, il vient de me raconter, il me dit, je m'endors. J'avais un t-shirt, un caleçon, je me suis réveillée, j'étais à poil. Ouais, cette nuit, ce matin, je me suis réveillée à poil avec une gaule énorme. Alors pourquoi? Ouais, enfin, une gaule, quoi. T'as dormi avec quelqu'un cette nuit? Oui. T'as dormi avec la personne qu'on a vue ce week-end? Exactement. Ah ouais? Ça y est, putain. Ça t'as conclu alors? Bah oui, on a conclu, mais je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant c'est sympa. Ah, et sans déconner, Cassim est en train de tomber amoureux. J'ai mais t'es que avec elle, tu vois personne d'autre à côté là en ce moment? Peut-être qu'elle écoute. Ah. Ok, donc ça veut dire qu'il voit personne d'autre à côté, je le connais mon Cassim. Ouais, non. La question de l'internat dans un instant sur Fun Radio. Je remercie Florian. Hein. Florian, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Hein. Ouais. Salut mon biquet. Bon courage. Merci. Salut à toi Florian. La question de l'internat, c'est dans un instant. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Je rappelle, vous êtes dans un bahut. Vous voulez venir représenter votre bahut. Là, vous êtes en internat avec les potes, les copines. Vous nous appelez, vous repartez avec plein de cadeaux. Et vous venez poser la question de l'internat en direct sur Fun Radio. Voici Félix Jane. I can hear the whispers about me. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. When you're stronger, you make me lighter. look like the mother bitches. Lift them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Jane sur Fun Radio, Bonfire. Love Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Avec la question de l'internat, on sera en direct d'un internat comme chaque soir dans un instant. Mais d'abord, on a Julien, 14 ans de Tarbes. Salut Julien. Salut. De Tarbes. Salut le doc, salut Karel, salut toute l'équipe. Salut Julien, tu voulais poser une question toi, on t'écoute. Bah oui, en fait, je voulais demander vers quel âge au mieux en fait. Au moment de la puberté. La puberté, tu vas avoir une poussée de croissance. Une oui. modification de ton corps, ton visage va changer. Les grosses couilles. Et ton larynx va aussi s'orienter différemment, ce qui va donner une voix plus grave. Voilà, c'est au moment. Alors, il y a des garçons qui commencent leur puberté à 11 ans, d'autres à 14-15. Mais là, ça y est, oui. Julien, ta voix, là. Oui, non, mais c'était pas pour moi, c'est parce qu'en fait, j'ai un copain, il a 14 ans, il a pas encore mué. Parce qu'il voilà, n'a pas commencé sa puberté, ou il est au tout début, ça va venir plus tard. Ouais, il peut aussi aller voir son médecin vite fait quoi, pour faire déjà un contrôle. Faire un contrôle de puberté pour ouais. voir si la puberté a démarré, où il en est. Premier signe étant l'augmentation de volume des testicules, qui est le premier signe objectif. Mais quand il y a ça, on ne voit pas le reste. Le reste vient juste après. D'accord, mais petite question, Doc. Si, okay. si on va faire son petit contrôle de puberté chez son médecin, le mec, il ne va quand même pas palper les couilles. C'est une nécessité, tout comme les fils ah bon sont examinés. Bah oui, il n'est pas obligé ouais. de s'attarder là-dessus. D'accord. C'est important de palper les testicules et de voir s'ils ont augmenté de volume. Voilà. D'accord. Bah Julien, tu diras à ton pote d'aller se faire palper les testicules. Ah. Hein? Ok. Ok, il va être content, tu vas voir. Il va te remercier, Julien. Tu reviens quand tu veux, Juju. Ok, salut. Est-ce que pour avoir un pack fun, s'il vous plaît. Pas besoin de le demander, mon pote. Écoute l'émission tous les soirs, tu le sais. Dès que tu passes oui, à l'antenne, tu repars avec. Okay. D'accord, Juju. Salut. Merci beaucoup, Julien. Salut, Julien. Au revoir. Salut, mon pote. Et on a Teddy, 16 ans de Saumur. Nous sommes en direct de l'internat CFA. De jouer les tours. Bonsoir Teddy, bonsoir l'internat. Salut. Salut les gars, ça va? Ouais, tranquille, et toi? Ah, ça fait plaisir. Et Teddy, t'es avec tes potes là hein? Ouais, je suis avec mes potes. Vous êtes combien là? Là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord, donc ça fait beaucoup de monde. Et vous voulez poser une question ce soir? Là, c'est la question ouais. de l'internat à Saumur. Je voulais savoir à quelle vitesse sortait le sperme du blanc. À quelle vitesse? Combien de kilomètres heure, Doc? 200, 300. 200, 300 kilomètres heure. 200, 300. Non, c'est une connerie, ça. Non, c'est pas une connerie. Non, non, mais je crois qu'il y avait eu un record du monde là-dessus sur le nombre de kilomètres heure d'un jet de sperme. Et c'était genre un petit peu moins de 50 kilomètres heure, quoi. Pourquoi vous? Et moi, j'ai une question, Teddy. Est-ce que quand ouais. tu te masturbes à l'internat, tu arrives à juter sur ton voisin d'à côté? Ouais, ouais, bah souvent, quand je me branle au CFA, j'essaie de spermer sur la tête dans mes potes. Ah, c'est pas, je vais être sérieux, c'est 45-50, effectivement. Mais le record, il est quand même de 68 km/h, presque 70. Parce que t'as quand même des radars. Ah, la police met des radars dans les lits. Hop. Et vous flash. Police anti-sperme, attention. À presque 6 mètres Montrez-moi de distance. Montrez-moi vos tubs. T'imagines, toi, 6 mètres de distance. Et combien, dans sa vie, un homme produit-il de sperme dans sa vie? Dans sa vie, Teddy, t'as une idée ça? Combien de litres de sperme tu vas produire dans ta vie? Je sais pas moi. Allez, donne un chiffre comme ça. 20 litres. 20 litres. 20 litres de sperme. 53 litres, mon pote. Ça en fait une bonne biture. Hein, hein Teddy? Ouais, ça en fait du jus, quoi. Ah, il y a 13 litres qui sont éjaculés. Quoi? Au cours de toute une vie, voilà. Moi, j'ai le nombre de litres éjaculés seulement. D'accord, ok. Eh ben voilà, on sait le nombre de litres. On a un record, là. Qu'on emmagasine et le nombre de litres qu'on peut sortir. Teddy? Ouais. Ah, c'était une question bien intéressante, les gars. Hein, bravo, les mecs. Hein. C'était la question du. Ouais, vous vas-y, avez parlé vas-y. De ça toute la soirée? De quoi? Bah, de la vitesse du sperme? Non. Ah bon? Qu'est-ce que vous vouliez dire, les gars? Non, on va faire le jeu de la biscotte après, là. Ah oui, d'accord. Ça, c'est encore un autre délire. Hein. Vous faites le jeu de la biscotte, Teddy? Ah ouais, bah, on adore ça. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous avez une biscotte. Et on sperme, c'est le premier qui. c'est le dernier qui se ferme et qui la mange. Oh, mais donc ça se fait vraiment ce truc-là? Vous l'avez vraiment fait? Non, c'est pas vrai. D'accord, ok. Non, parce que je voulais savoir. Je voulais avoir au téléphone la personne qui a mangé la fameuse biscotte. Non, c'est ça, c'est intéressant. Teddy, tu voulais demander un truc. On t'écoute. Ouais. On veut juste vous dire un dernier truc. Ouais, vas-y. Je fais du sandwich de glou et je bois la limonade de chat. Attends, tu n'as rien compris. Tu peux essayer de faire ça doucement? Bah. Oui. C'est, je crois que c'est les paroles d'une chanson de Caris, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Caris. D'accord. Il y avait une histoire de chat là-dedans. Hein. Ah, bon, on a peut-être rien loupé alors. Voilà, et ben, on vous fait un gros bisou, les gars. Salut. Et tout le monde là, oh. On vous entend pas. À mon avis, il y a le surveillant qui est arrivé. Il n'allait pas, nous on s'en bat les couilles. Il y a le surveillant ? Ben oui, il y a le surveillant. Oui. T'as vu, on s'en bat les couilles. Tous collés demain. On s'en bat les couilles, il n'y a pas de tapage nocturne. Salut les gars. Salut. Salut. Ciao Teddy. Et je voudrais faire un gros bisou à Laura et Gwen, nos deux auditrices du soir. Bisous. Ouais, ça va les filles ? Ouais, très bien. Bon, vous allez faire quoi là maintenant ? Bon, c'est ça, regarder la télé. Il y a le night show aussi qui va commencer sur Fun Radio. Eh bien, parfait. Bon, on va écouter ça, alors. D'accord. Et moi, je vous fais des gros bisous, les filles. Vous avez été géniales. Ouais, on n'a pas trop parlé, hein. Ah bah, oui, t'as raison de vous péter, ouais. On a pas assez parlé. Ouais. Vous savez quoi, c'est la faute du doc. Il voulait pas que je vous donne la parole. Non, c'est pas moi. Il avait l'air d'être perturbé, vu qu'il vient de se marier. Qu'est-ce que t'as dit, là? Il avait l'air d'être perturbé. Il avait... Non, je ne suis pas perturbé du tout. Elles ont la prétention de vouloir me perturber. Absolument. Ça, vous pouvez y aller, les filles, ça, pas de problème. Vous n'allez pas me perturber du tout. On va vous passer le doc en antenne, les filles, d'accord? C'est un gros dragueur. On vous fait des gros bisous, en tout cas, Laura et Gwen. Salut les chéries, et rendez-vous dès demain sur Fun Radio à partir de 20h, tous les soirs 20h, 22h. C'est Love in Fun sur Fun Radio et on va retrouver Mario Hanso. Ils sont là. C'est le night show. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Mais pleine forme, et toi ? Bah écoute, ouais. À chaque fois, vous dites comment ça va ? Qu'est-ce que vous racontez ? Mais est-ce que t'es chaud pour demain pour l'opération gaming ? Ah ouais, c'est vrai, il y a un tournoi FIFA. Ouais. Ah non, mais attends, tout à l'heure, il a dit non, je vais me faire planter, il faut que je débrouille pour pas y aller, je vais perdre. Non. Oh non. J'ai absolument pas dit ça. J'ai entendu. Toujours la merde. Il a peur de perdre. Non, en fait, c'est juste que Doc, moi, je suis un pro gamer. Donc quand je participe à un tournoi, c'est pour le gagner. Et là, en l'occurrence, j'ai pas encore mis les doigts sur FIFA 17. Ah, personne, hein, dans la radio. Et puis tu sais, si tu nous prends, on va perdre. Non mais te prendre, c'est pas un souci, Sanso. Tu comprends, y a pas de souci. Non mais c'est on va jouer face à des auditeurs, quoi. Il est chaud. Ah non, c'est entre nous, c'est entre tout Fun Radio qui s'affronte. Ah, c'est entre nous. Ouais. Oh bah c'est bon, c'est gagné. Allez, à demain les filles. Salut. Bisous. Je te propose d'écouter une émission de dingue basée sur l'amitié. Les paroles de cette chanson ne sont pas délire, mais ce soir je vous le promets, je vous le jure, je crache. L'émission sera mieux, c'est Marion et Hanso sont ce soir sur Fun Radio. Marion et Hanso, dès 22h dans le night show. Marion et Hanso, The Night Show, sur Fun Radio. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio, c'est Marion et Hanso, comme chaque soir du dimanche au jeudi. Brapapa. On passe nos soirées avec vous, un petit peu de début de nuit hein, finalement aussi, de 22h à minuit en direct, et on est hyper content de vous retrouver. Et c'est pas particulièrement ce soir, on a envie de faire les cons avec vous. Oui, c'est vrai, hein. Voilà. On est de bonne humeur, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comme tous les jours quand même. Hein. Non, ouais. C'est vrai quand même que depuis cette émission des phobies dimanche, oui, on n'arrête pas de se marrer pour rien. Alors d'ailleurs, en parlant de cette émission, les vidéos sont en ligne sur la chaîne YouTube Marion et Hanso. Donc allez les voir parce que franchement, elles valent le coup, elles sont ouf. Il y a Amir qui se fait percer, il y a Thibaut à l'area dans la cage aux poules, il y a moi dans un bain de lait. Oui. Il y a Hanso avec son clown. Franchement, mais qu'est-ce qu'on a ri, chiant, mais franchement. Alors Hanso, elle est de bonne humeur, mais pourtant elle me cachait, elle me disait à quelques minutes qu'en ce moment, elle avait une vie de merde. Non. Si, tu l'as dit, sentimentalement c'est la merde. Washa, elle me fait chier, il y a rien qui va, babeur. Non, non, si, bah, enfin, ça va, c'est juste des petits tracas du quotidien. C'est vrai que Wacha me réveille à peu près toutes les heures, toutes les nuits, parce que c'est hyper marrant de jouer à 4h du mat. Mais ferme ta porte de ta chambre. Ah, je voulais me dire, mais ferme ta gueule. Non. Mais quand même. Ouais, mais parce qu'elle est mignonne parfois, et puis sentimentalement parlant, c'est un peu le calme plat, mais c'est par période. Hein. Ouais. J'espère. Alors, t'es en train de me dire que l'élixir d'amour qu'on t'avait préparé il y a quelques semaines n'a pas fonctionné. Alors, je vous confirme que c'est absolument un échec. Qu'on me rappelle le marabout, les gars. Pas content, content. Bon, restez là parce que ce soir, énorme émission, on vous a réservé du lourd. Déjà, on aura la visite tout à l'heure de Synesia. Vous connaissez l'équipe? Bah oui. Synesia, c'est eux qui ont inventé le calcul challenge. On le voit partout là en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est une sorte de danse où il faut faire du calcul mental en même temps. Ouais, c'est chambé. Ils sont archi cool. On a fait de la petite vidéo avec eux là. Et puis, bah, tout à l'heure, on fera du calcul challenge en direct. Là, donc restez là, ils arrivent d'ici 20 minutes. On aura le pourquoi tu m'appelles, le Pokélost, vous tous au téléphone. Et nous avons relancé un grand concours sur Facebook. Oui. Ça avait tellement marché dimanche soir qu'on l'a refait. On vous offre, écoutez bien, votre PS4 avec le jeu Lego Dimension. Pour ça, il suffit d'aller sur la page Marion et Anso, de liker et de partager la photo qui est épinglée. Réponse jeudi soir, allez-y parce que franchement, ça vaut le coup. Super cadeau quand même. Ah bah ouais, c'est canon franchement. Bah oui. Et ça se partage déjà pas mal, hein. Vous êtes dans le partage, ça fait plaisir. Ce soir, en tout cas, dans l'émission, on écoutera Eva Simons avec Richard Olansky. Histoire de bouger votre body, que vous soyez au taf, dans votre lit ou n'importe où, de manière smooth, voilà, et de manière complètement smoothie. Et puis il y aura Mike Perry aussi. Ça c'est smooth. Oui. Tu le vois, tu la vois Ibiza, tu le vois le cocktail, tu le vois le coucher de soleil et le relâche de pelle avec la personne que tu aimes le plus au monde. Et bah c'est tout ça réuni dans un Mike Perry. Oh mais tu nous fais voyager Babeur. Merci Marion. Quel talent. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Yo yo yo, brapatatata. Comment ça va? Bien et vous les filles, Marion, Anso, vous allez bien? Oui ça va, alors les gens s'inquiètent, est-ce que le piercing c'est bon, ça a cicatrisé, on est rebouché, comment ça se passe? Alors je l'ai enlevé hier. Oui ça alors, tu nous as dit mais... Alors... Il y a toujours un trou, quoi. Et il fallait pas que tu l'enlèves. Non, et puis le mec, d'ailleurs, on a balancé la vidéo sur la chaîne YouTube Marion Manso. Ouais. Et je viens de capter, parce que j'étais pas dans mon élément l'autre jour. Mais à la fin, il m'appelle Chouchou quand même. Hein. Bah et oui. Il me dit Chouchou, et puis il me dit va à Pigalle après. Mais non. Bah si. Tu t'inventes une vie là. Mais non. Mais si. Mais pourquoi il t'aurait dit d'aller à Pigalle? Ah, parce qu'il m'a vu avec un petit piercing. D'accord. Un nombril. Bah, franchement, on l'embrasse parce qu'il a fait du très beau boulot. C'est déjà bien cicatrisé et franchement, bravo à lui. Hein. Et Pigalle, si vous connaissez pas, c'est un quartier ultra chaud de Paris qui est très très chaud, rempli de tout ce qui est sexe et de shop. Ouais, voilà. Non, sinon, j'ai un petit peu mal quand je touche, mais je pense que c'est normal. Oui, la touche plus. Et ce matin, j'ai fait une douche. Bah, bravo. Non, mais. Bravo, Amir. Ah, bien joué. J'ai mis de la bétadine pour désinfecter. Il faut, hein. Surtout désinfecter, c'est hyper important parce que si jamais tu te retrouves avec un truc infecté, ça va être dégueulasse. Ouais, big up à tous ceux qui désinfectent. Amir est avec vous sur les réseaux sociaux, hashtag le night show, Marion et Anso partout. J'aimerais qu'on snap un peu les gars ce soir, j'ai l'impression qu'on n'a pas snappé depuis hier. Et on va snapper comme jamais. Merci. Bonsoir Thibaut Alaréa. Coucou les filles. Ça va toi? Je suis un peu perturbé aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, franchement. Je suis. Pourquoi? J'ai rêvé de vous cette nuit. Arrête. Ah oui. De nous deux. Ouais, je crois que c'est parce que je vous aime tellement fort. On était dans notre maison de campagne. Marion, toi tu dormais dans le lit à gauche. Anso, toi tu dormais à droite. Et moi j'étais au milieu, on se faisait des câlins. Je suis. Non mais mec, ça c'est un fantasme, hein. Ça n'arrivera jamais. Peut-être. Mais surtout des câlins tout nus. Ouais, à poil, genre Ah, mais excuse-moi Thibaut, je t'adore, mais pour moi, tu es la personne la plus asexuée du monde. T'es un petit frère, t'es un petit garçon, je pourrais jamais t'imaginer en train de faire l'amour. Eh bah tant pis. Je suis désolée. Tu me dis ça en plus. Alors que par contre, Enzo du standard, lui, je le vois très bien Ken. Ah bah ouais. Alors lui, j'ai aucun souci à me l'imaginer. Ah moi aussi. D'accord. Franchement. Ça va? Oui, ça va, nickel, j'étais en train de ken d'ailleurs. On va faire un bisou à Yannick du Standard qui est revenu aussi, il était malade depuis deux jours. Tu nous as manqué, bichon. Ah ben ouais, moi aussi, vous m'avez manqué, là j'ai une patate, je suis en forme. Il va mieux, hein. Ah ouais, là je vais mieux. Et les serpents, ça va, tu t'es remis ou pas? Ouais, non, franchement, j'ai regardé la vidéo, franchement, je l'ai fait quoi. Mais c'est le plus gros fou rire de la soirée, je crois, Yannick. Allez voir la vidéo, c'est génial. Et le mec pense qu'il se fait étouffer par le serpent alors que le serpent est à 10 mètres. Ouais, c'est clair, c'est magnifique. Enzo, présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît. Alors, c'est Damien, il vient réagir par rapport à la séquence d'hier avec Pitbull. Ah, d'accord. Voilà. Bonsoir Damien. Il a une question à lui poser. Bah, bonsoir Marion, bonsoir Enzo, bonsoir toute l'équipe. Eh bien, bonsoir à toi. Comment ça va Damien? Bah ça va super. Alors qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à Pitbull? Non bah du coup quand même, j'ai écouté l'émission hier, j'ai trouvé que bah du coup il y avait un bon feeling entre vous, c'était assez chaud etc. Donc du coup j'avais une question par rapport à ça, vu que ça s'est passé super bien. Est-ce que la soirée s'est prolongée? Est-ce que vous êtes allé boire un verre avec lui etc. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs questions dans ta question, Damien. Alors déjà, pour aller boire un verre, il avait un emploi du temps très très pris, mais c'est ce qu'on a dit à l'antenne. En vrai, on lui a proposé de refaire la teuf la prochaine fois qu'il viendra à Paris, et je pense qu'il l'a pris plutôt au sérieux. Honnêtement, on a eu un super bon feeling avec lui et tout, et c'est vrai qu'il est chaud, mais il joue quoi. Il fait des vannes de cul et tout parce qu'il est complètement libéré, il s'en fout. Mais il n'y avait pas du tout de séduction entre nous, hein. Damien, je suis désolée de te décevoir, mais non, on fera juste la teuf. Voilà, voilà. En revanche, d'accord, je pense qu'effectivement, hier en studio, si à un moment donné, il avait pu tous nous mettre tout nus, oui, bon, les garçons y compris, je pense qu'il aurait pu. Oui, mais je pense que c'est son perso. Mais en tout cas, il était vraiment énorme, Pitbull. Et d'ailleurs, on vous prépare les vidéos, là, ça va arriver demain sur la chaîne. Voilà, incessamment sous peu, Damien, pour revivre ce moment d'éternelle bonté. On t'embrasse, bon, mon Damien. Cool. Ouais, bonne soirée. Bisous. Bisous, ciao. Oui, très sympa ce Damien. J'aime bien comme ça quand on revient un peu sur les émissions passées, sur les artistes. Je vois ce que tu veux dire. Très sympathique. Mm-hmm. Bon, en tout cas, dans un instant, on va parler d'un truc dont tout le monde parle. Le monde entier parle depuis plus de 24 heures. C'est l'affaire Kim Kardashian qui s'est fait braquer à Paris. Oui. Qui s'est fait voler pour plus de 9 millions d'euros de bijoux, c'est ça ? C'est ça. 4 millions de dollars la bague de fiançailles. Sympathique. En tout cas, Kenny a la main sur le cœur. En tout cas, c'est vrai que ça a choqué beaucoup de fans. Et on s'est dit avec Marion, on s'est récapitulé tous les scandales de stars qui avaient pu exister depuis ces dernières années parce qu'on est très people. Oui. Et en fait, il y en a eu vraiment énormément. Surtout des sexuels. Et du coup, venez nous raconter quel scandale de star vous a plus marqué. Le truc le plus ouf, en tout cas, dont vous avez entendu parler. Okay. Appelez-nous dès maintenant 01 42 48 5000. Hashtag le Night Show aussi. Et puis pour le son, on écoute Major Lazer sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low?